Bravo. Et voilà, ainsi se termine pour aujourd'hui Dessous de scène et on enchaîne tout de suite sur l'antenne de Radio Libertaire avec, ben, je me doutais bien que c'était Bulle de rêve vu qu'il y avait du retard, que c'était, mais c'est Alexis qui arrive. Je pense aux films français aussi, qui sont, je ne sais pas pourquoi, c'est la sélection l'a voulu, qui sont plus français que français. Ce sont le film de, Le Pierrot de Jacques Leroux et La Demoiselle Violoncelle de Jean-François Laguioni retrouvent les origines de l'imagerie au début du siècle. Dans Le Pierrot de Leroux, il y a quelque chose qui tient des personnages de Chéret et de l'ambiance du Chat Noir. Dans le film de Jean-François Laguioni, il y a quelque chose qui tient des peintures naïves de Annie Rousseau ou des images du praxinoscope de Reynaud, des images du musée Grève. Bonjour à tous, Bulle de rêve, en effet, Nicolas le sait, quand il y a un peu de retard, c'est forcément Bulle de rêve. Vous avez entendu notre invité principal dont on parle assez régulièrement ici dans l'émission. Je suis très très content de pouvoir faire ça. Je suis très content de pouvoir vous proposer cette émission là. Je remercie l'un de mes invités qui a été l'un des principaux instigateurs de cette émission. Vous comprenez pourquoi. On a commencé. Je vais vous parler dans un matin. Je vais vous présenter bien sûr mes invités. Je vais désannoncer ça se fait. Il faut que je fasse sérieux. Pourquoi André Martin, on a commencé avec la musique d'un film, une BO qui s'appelle Puppet Master. Puppet Master, c'est un film de Charles Band. Charles Band, c'est Full Moon. Full Moon, c'est voilà, de la grande série B des années 80, 90, allez, 90. Moi, c'est un cinéma que j'adore. Puppet Master, il y en a eu plusieurs par la suite, des Puppet Master. Le premier et le deuxième valent le coup. La musique vient de Charles Band lui-même. Et c'est quoi Puppet Master? C'est tout simplement un maître de marionnettes, donc qui va donner vie à des marionnettes. Des marionnettes, c'est de la série B, donc ils vont les tuer des gens. C'est un peu différent, voilà, de ce qu'on peut avoir. Mais en tout cas, il y a cette idée. Et pourquoi commencer avec ça? C'est un peu facile, mais c'est une évidence. C'est parce que je pense que ça va être sous-tendu pendant tout le long aussi de cette émission. C'est comment définit-on le cinéma, l'animation, le cinéma image par image? On va entendre André Martin parler, on va l'entendre à travers la bouche de mes invités aussi. On sent que de temps à autre, et ils pourront évidemment me dire non, mais je trouve que des fois il hésite, il prend animation, mais des fois il redit vite image par image, et va en plein blatter, comme si le mot animation, finalement, cette idée de donner vie à quelque chose qui n'en a pas, donner une âme, n'était peut-être pas suffisant. Et que ce que je vous dis à longueur de temps sur cette antenne, c'est que après tout, la jetée, c'est de l'image par image. Donc, est-ce que c'est de l'animation? Est-ce que c'est de l'animation sans mouvement? Est-ce que c'est de l'image, etc., etc. Je pense que ça va être encore une fois sous-tendu pendant tout le long de cette émission. Et c'est pour ça qu'on a commencé d'autant plus que récemment est sorti un très très beau dossier en positif. Ça faisait longtemps que Positif n'avait pas fait de dossier mis en place par Bernard Génin, grand monsieur connaisseur de l'animation depuis des années, Bernard Génin. Et le dossier de Positif, avec très belle chose, notamment de Francis Gavel, qui est bien connu par les auditeurs et auditrices de Radio Libertaire, commence avec un texte en disant « Cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé de cinéma d'animation, ce genre... » Et oui, et d'un seul coup, le mot est lancé. L'animation serait donc un genre... Alors, sûr d'en positif pour un dossier aussi important. C'est quelque chose qui est intéressant. J'avais dans l'idée de quelques années de faire une conférence, donc l'animation était devenue un genre pour un peu provoquer les choses, pour un petit peu. Mais j'ai trouvé ça un peu étrange, donc je suis content de faire cette émission sur André Martin avec Clément Martin, son fils. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de recevoir. On va avec lui en savoir un petit peu plus sur et à la fois qui était l'homme, sans trop dévoiler bien sûr, mais en tout cas, on va en savoir un petit peu plus. Et avec mes deux invités, alors un, vous l'entendez de temps à autre, pas tant que ça malheureusement, j'aimerais entendre sa voix beaucoup plus souvent. Jean-Baptiste Gardéron du CNC, des archives du film du CNC. Et par contre, une voix que vous entendez absolument tout le temps, je me demande quand est-ce qu'il va enfin prendre ma place, Nicolas Tisse. Bonjour. Voilà, donc tous les trois on va parler. Je vais me permettre juste d'aller te faire une petite présentation. Je sais que au moins tu pourras peut-être en profiter. Non, d'ailleurs, tu veux pas en profiter? Allez, vas-y. On va annoncer des petites choses qui sont importantes pour nous. Donc Jean-Baptiste et Garnero, tu voulais nous dire quelque chose. Oui, ben bonjour. Oui, comme on est en début de l'émission et qu'on est dans la phase des calendriers, préciser à nos auditeurs que dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la direction du patrimoine cinématographique donc du CNC ouvre ses portes à Bois-d'Arcy. Et que si celles et ceux qui veulent venir visiter donc ce grand centre d'archivage national sont conviés, c'est bien sûr une visite gratuite. Il faut juste s'inscrire, je vous donne un numéro de téléphone, c'est le 01 30 14 80 43, 01 30 14 80 43. Et donc ce sont samedi 21 et dimanche 22 septembre. Voilà, faut appeler, faut impérativement s'inscrire parce qu'il y a du monde, parce que enfin voilà, et on pourra pas accueillir tous les gens qui se présenteront, et on pourra surtout pas ceux qui se viendront à l'improviste. Et bon, et donc c'est à Bois-d'Arcy dans les Yvelines, c'est deux stations après Versailles, le château de Versailles, mais ça se fait très très simplement en train, il y a pas de souci, c'est un très beau lieu et voilà. C'est loin mais ça vaut la peine, j'ai la chance d'y aller une fois. C'est assez, quand on aime le cinéma et quand on aime cette idée que oui, il faut préserver la culture en général, le cinéma bien sûr, mais la culture en général, c'est un endroit qui est assez magique, même si on ne comprend pas forcément tout, on se dit mais il y a quelque chose, ça, à mi-chemin entre un bunker et un endroit super beau dans la nature, on sait pas trop où on est, mais il y a un côté voilà qui est, c'est un temple qui est assez étonnant. Oui, il y a vraiment ce côté-là, un peu, hein, on rentre voilà. On peut dire aussi, puisqu'il y a quelque chose qui est important pour toi, tu nous l'as ramener presque avec tes dents, cet écran d'épingle, que l'écran d'épingle sera exposé. C'est rare, il n'est pas tout le temps exposé au public. En fait, oui, il est exposé, en fait, il n'est pas du tout, enfin, si, il a été exposé au public il y a 4 ans à Annecy lors de l'exposition avec CF Parker, Monteur d'ombre. Et puis, donc, depuis maintenant plusieurs années avec ma collègue Sophie Le Tétour, en fait, on indépendamment de ce tout ce que l'on a comme archive autour de l'œuvre d'Alexeïev et Claire Parker qu'on tâche de montrer à diverses occasions, effectivement, on tâche au niveau du CNC à relancer la production de films sur écran d'épingle. Et là, il y a au mois de juillet, on a emmené l'écran, on l'a installé au musée de l'estampe et de la gravure originale à Gravelines, qui est une ville à côté de Dunkerque, entre Lille et Dunkerque. Et donc c'est Nicolas Ligori qui est en train de travailler dessus pour justement faire de la gravure. Et donc image fixe, pas d'animation, mais fait tout un travail autour de la gravure à l'écran d'épingle. Et on donc se rappelle, c'est superbe. On se rappelle qu'Alexeïev, évidemment, on avait fait, alors l'un des plus connus, notamment pour le procès. Alors, dans Soin de Noël, il y a le procès pour le prologue, mais beaucoup de choses. Non, mais il avait fait surtout aussi avant le pour Pasternak, pour Docteur Jivago, l'édition originale de Gallimard de Pasternak, Docteur Jivago, le gros pavé, et d'ailleurs la couverture l'est aussi, c'est de la gravure, enfin c'est une image gravée à l'écran d'épingle d'Alexeïev. Décidément, l'écran d'épingle d'Amelenor, après Justine Vesteker, Nicolas Ligori. Voilà. C'est que des gens du Nord. Voilà. C'est aussi, je dis ça aussi parce que Nicolas, même s'il renie beaucoup de choses, mais vient du Nord. Donc, je le redis. Allez, puis moi, très rapidement. Et donc, ce sera ouvert au public parce que. Et donc, c'est rare. Hein, on le voit rarement. Quand il est en tournage, il a été montré à Cyclique une fois, mais c'est à chaque fois, c'est une journée ou deux journées. Mmh. Et alors. Et là aussi, c'est sur inscription. Il faut aller sur le site du musée de l'estampe et de la gravure originale de Gravelines. Et là, il y a toutes les informations. J'ai pas le numéro à vous donner, mais bon. Enfin voilà, en tout cas, ce sera. Et Nicolas sera là, bien sûr, pour le montrer, en parler, etc. Et c'est quand même un objet qui est assez magique, là aussi, à voir et à regarder. On en parle beaucoup, mais je trouve que d'avoir près de soi et de pouvoir regarder est quand même assez extraordinaire. Allez, du 17 au 23, j'annonce moi, oui, c'est tout comme tous les ans maintenant, le PIAF, le festival d'animation du festival de. Je voulais pas le dire en anglais, donc je me suis un peu rosé. Tant pis, je vais dire en anglais. Paris International Animation Film Festival, qu'on fait, Sylvie Dimet, voilà, que j'ai la chance d'être directeur artistique. Donc voilà, je fais de la pub pour moi, c'est assez étrange. Mais on va faire cette édition, comme d'habitude. Cette édition, vous savez, c'est pas vous que je vais vous le dire, la culture est toujours très complexe à financer. On le sait, elle a toujours été, elle l'est toujours aujourd'hui. La mairie de Paris nous aide enfin un petit peu. Donc voilà, ça commence un petit peu à avancer. Malheureusement, le théâtre Ménilmontant est fermé. Et oui, c'est un théâtre qui appartient à des frères, je sais pas ce que j'y connais rien, mon religion, en tout cas des frères comme ça. Mais la personne qui l'avait a fait une malversation. Je ne sais pas, je veux pas trop en savoir. C'est un truc un peu étrange. En tout cas, il est fermé. Ce qui fait qu'on l'a pas et on sera au pavillon Baudouin, qui est pas très loin. Donc voilà, venez nous rejoindre. Sauf pour la soirée d'ouverture, on sera au CGR Lila. Qui est ancien Les Étoiles Lila, qui a été racheté, hein. Et on fera une soirée où je vous montrerai quelques petits courts-métrages d'ouverture avec quelques petites surprises parce que j'ai un beau jury comme Sébastien Lodenbach par exemple de réalisateur de La Jeune Fille Sans Main, et je montrerai un petit quelque chose que certains professionnels ont vu mais pas tout le monde a vu. Donc voilà, on aura quelques petites surprises comme ça dans cette soirée. Puis après il y aura une soirée qui risque d'être assez barrée. Vous pouvez, alors là c'est gratuit, hein, tout le festival est gratuit, vous pouvez vous inscrire aussi, j'avoue que je sais plus trop, mais vous regardez sur le site du PIAF, sur Facebook, il y a pas mal de choses, etc. Je sais plus quelle est l'adresse où faut s'inscrire. Sinon, vous m'envoyez un mail, thewebanim@gmail.com, et puis on verra bien. La première, c'est avec Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier, vous la connaissez pas. Mais vous l'avez beaucoup entendu. En fait, c'est la voix qui a fait notamment Sangoku dans Dragon Ball Z, qui fait oui oui. Enfin bon, elle a une liste pas possible. Et alors là, elle viendra pas pour oui oui, mais plutôt pour l'inverse de ce qu'elle fait, puisqu'elle a travaillé avec le studio Bobby Pills pour faire des séries assez trash et assez barrées. Le studio Bobby Pills sera là, Balak notamment, qui est l'un des auteurs, de Last Man notamment, qui sera là. Ça sera assez barré, voilà. Ce que je vous propose, c'est il y a plein de compétitions. Vous regardez sur le site, vous regardez sur The Web Anime, qui est le site, hein, ZEWEBANIM. Vous avez tout le programme. Je vais pas tout vous dire. Il y aura quelques belles avant-premières. J'en suis assez content. Le film d'Alexandre Siqueira, Purple Boy, par exemple. Pas mal de choses assez fascinantes en étudiants et étudiantes notamment qui sont c'est tellement impressionnant qu'il travaille beaucoup l'expérimental. Et peut-être pour mettre en place tout ça, je suis ravi parce qu'on va faire une rétrospective alors sur le Québec, et il y aura Concordia côté école et côté réalisateur. Steven Wolochen sera présent avec nous le samedi, fera un atelier, enfin on va parler avec lui et on montrera ses films. Steven Wolochen, c'est la preuve qu'à l'ère du numérique, et on va beaucoup en parler, la pellicule et l'image par image, chaque image est encore abondante puisque c'est quelqu'un qui, à la manière d'un Norman McLaren ou d'un Alan Ly, gratte la pellicule, peint la pellicule, enfin fait énormément de choses sur la pellicule. Et moi, ce qui me plaît énormément, c'est qu'on va avoir Steven Wolochen. Dans la compétition, il y a Richard Reeves, qui est un autre Canadien qui fait du grattage et de travail sur pellicule, et la jeune génération avec Bastien Duprié, qui est déjà venu ici, et qui aussi est la nouvelle génération. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on va avoir des gens dans les étudiants. Alors, je suis plutôt content, c'est des gens que j'ai eu la chance de croiser, mais on a des gens comme Agathe Simon, par exemple, qui est maintenant à l'ENSAD, qui est une toute jeune réalisatrice, et pour son premier film là qu'on montrera aussi, qui s'appelle 1603, a travaillé la pellicule. Donc voilà, c'est plutôt bien. Ça veut dire que cette pellicule est loin d'être morte, loin de là, et elle est à l'honneur là du Piaf, mais elle va être à l'honneur, je pense, encore bientôt. C'est Sivan Olochen qui disait, quand je lui disais, mais la pellicule, il y en a plus. Tu rigoles, il y en a partout. Il y en a plein. Maintenant, de toute façon, on va les jeter à bout d'un moment donné. On n'arrivera pas à les garder. On pourra, il suffit d'aller aux archives du film. On va les prendre. On peut. Voilà. Non, mais notamment les bandes annonces 35 qu'il y avait encore à une époque. Ça peut être, voilà. Allez. On fait une petite coupure musicale et on revient pour parler, alors là, pendant une heure, plus d'une heure et demie, d'André Martin, de son travail et de son de toute sa réflexion qu'il a eue sur le cinéma d'animation. C'est plus les vacances, mais après tout, pourquoi pas encore un tout petit peu, même si c'est pas vraiment une chanson sur les vacances, mais c'est le seul endroit où j'ai été cet été. Donc voilà, on va écouter Les Innocents, L'Autre Finistère. Tu ma belle qu'un jour fatigué j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour pour toi. Trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des villes en un fort, une presqu'île, oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats, jeter aux vers au retour de tous nos plus beaux discours, ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas, et devenir sourd. Il est à l'estuaire, à nos fleuves de soupirs, où l'eau mêle nos mystères. Bien sûr, on se figure que le monde est mal fait, que les jours nous abîment comme de la toile de Nîmes, qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins fertiles. À nos fleuves de soupirs, où l'eau mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère, aux longues plages de silence. Le retour donc avec, on vient d'entendre évidemment Les Innocents, L'Autre Finistère. On parle d'André Martin, et tiens, c'était pas prévu dans le plan, Mais je vais quand même leur demander à tous les deux, avant de passer la parole à Clément Martin, Nicolas, Jean-Baptiste, vous vous rappelez la première fois où vous avez peut-être tombé sur des écrits d'André Martin, ou vous avez entendu parler d'André Martin, vous tous les deux qui êtes... Moi, c'était voilà. Assez tôt ou assez tard, je sais pas. Moi, ça devait être à Paris 3, à la fac, tout simplement. Mais voilà, mais en fait, à l'époque, j'avais pas vraiment approfondi, bizarrement. Et c'est pas une critique, mais en fait, le peu d'animation que j'avais vu, enfin, c'était bien, mais effectivement, il n'y avait pas d'anciennement du cinéma d'animation à la fac, à proprement parler. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours intéressé, mais j'étais passé un peu à côté d'André Martin. Et en fait, c'est en tombant sur le livre de Bernard Clarence, sur les écrits d'André Martin, que je suis vraiment rentré dans la galaxie d'André Martin. Mais je dois dire que André Martin, moi, ça fait à peu près 25 ans maintenant qu'il est disparu, quoi. Mais c'est quelqu'un qui me poursuit, quoi. Comme d'autres, un peu comme Alexeïev, on parlait d'Alexeïev tout à l'heure. Ce sont des gens, enfin, quand on s'intéresse à l'animation et à la théorie de l'animation, ou même au patrimoine, on tombe tout le temps. Enfin, moi, pour ma part, je tombe tout le temps, de manière cyclique, régulière, sur André Martin, quoi. Parce qu'en fait, dans les années, enfin, à l'époque d'André Martin, les années 60, de toute façon, c'était une bande de quoi, de 30, 40, 50 personnes maximum, quoi. C'était le microcosme. On se plaint aujourd'hui d'avoir un microcosme, enfin, de dire, ouais, de toute façon, le milieu de l'animation en France, c'est 3000 personnes. Mais à l'époque, c'était pire. Et en fait, on ouvre un journal, on ouvre une revue, enfin, quelque chose, on tombe toujours sur André Martin. Quoi qu'il arrive, on y revient toujours. Nicolas? C'est un petit peu la même chose, sauf que moi, c'était pas à Paris 3, mais c'était à l'université à Lyon. Plutôt en licence, où en fait j'avais un cours par contre feu à l'animation où on nous a parlé d'André Martin. Donc voilà, pas beaucoup non plus. C'était qui, tu te rappelles du prof Ah oui, alors par contre je me souviens du nom de la prof, mais c'est pas une enseignante qui était vraiment spécialiste de l'animation. Okay. Elle vient plutôt des arts plastiques, elle s'appelait Monique Maza. Je sais pas si... Voilà. Et donc par contre c'est un nom qui a plutôt été lancé comme ça, on n'a pas étudié les textes véritablement, mais c'est les premières fois où j'en ai entendu parler, et le livre par contre était déjà sorti et j'ai pu en lire au moins quelques extraits, même si je ne l'ai pas dévoré directement au bout d'une heure. Mais par contre oui, exactement, par contre comme Jean-Baptiste, c'est vrai qu'après, plus on s'intéresse à l'animation, plus on essaie de lire des choses sur l'animation, et c'est vrai qu'André Martin c'est le nom qui revient absolument tout le temps. On reviendra en dernière partie sur ça, sur les l'idée des héritiers ou quoi. J'avoue que moi aussi c'est j'ai mon exemplaire, on a chacun des exemplaires du livre de Marc Clarence, et c'est vrai que ce qui m'épate toujours, c'est que je sais pas si je l'ai lu en entier réellement du début jusqu'à la fin. Par contre, le nombre de fois où à chaque fois que je me dis tiens, il faut que je réfléchisse sur une émission sur l'animation, sur des choses comme ça, je le reprends et je regarde, et j'ai plein de trucs cornés, j'ai plein de choses comme ça, en me disant bah tiens, qu'est-ce qu'il a dit déjà, qu'est-ce comment, etc. Et à chaque fois je retourne, comme tu dis, je trouve qu'une fois qu'on a mis le pied, on va dire, ouais, dedans, on a envie d'en savoir un petit peu plus. On va en parler rapidement. D'ailleurs, c'est un livre malheureusement difficilement trouvable maintenant, hein. Dreamland éditeur, écrit sur l'animation, donc c'était Thierry Steff à l'époque. André Martin, écrit sur l'animation 1. Malheureusement, Bernard Clarence est décédé depuis. On attend toujours un peu la suite ou le renouveau. Tout en sachant que Bernard Clarence avait prévu, si je ne me trompe pas, 5, 6 ou 7 tomes d'écrits, et qu'il avait avant de mourir, mais évidemment... Enfin non, c'était pas avant de mourir, c'était plutôt avant que l'éditeur fasse faillite, si je me trompe pas. Oui, oui. Il avait déjà écrit le deuxième, qui était quasiment complet, avec encore le même type de texte qui présentait historiquement et qui contextualisait tout. Et franchement, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu le deuxième qui soit sorti, et les suivants aussi, évidemment. Alors, nous on a parlé, ça y est, maintenant on va demander à Clément Martin. Moi je voulais déjà savoir, est-ce que... Alors... Voilà, je sais pas à quel point toi tu l'as trouvé, puis il y a plein de choses, etc. Mais est-ce qu'on sait à partir de quel moment ton père s'est intéressé au cinéma aussi, et après au cinéma d'animation? Est-ce que il y en a un avant l'autre? Est-ce que c'est les deux en même temps? Comment c'est passé? Moi, la première trace que j'ai trouvée à ce jour, c'est en 42. Donc mon père est né en 25, donc il avait, je sais pas, 17 ans, ouais, quelque chose comme ça. Et il louait avec son frère, j'ai un document de location de projecteurs pour passer des films en privé. Donc il y a déjà des traces dès 17 ans sur le cinéma. Concernant le cinéma d'animation, c'est un peu plus complexe. Dans le livre de Bernard Clarence, il évoque des films d'animation qui ont été faits à Bordeaux, hein, à la fin des années 40. Il y a au Centre National de la Cinématographie un film qui est une publicité, qui est un film d'animation, une publicité pour la réparation des postes de radio, qui n'est pas daté, mais je pense qu'on doit être dans les autour de 48. Voilà pour le démarrage. Est-ce qu'il va être toujours dans les deux, c'est-à-dire dans la théorie, mais dans la pratique aussi? C'est quelque chose qui va être important dans toute sa... Alors, là encore, on a la chance d'avoir des écrits. Donc, effectivement, mon père, qui était plutôt autodidacte, il n'a pas fait de longues études, a énormément travaillé la philosophie, la sociologie, l'histoire de l'art. Et donc, il y a beaucoup de notes des années 40, des années 50, 60. Et donc, dès les années 40, il y avait énormément de notes, beaucoup de choses sur la musique. C'est peut-être une facette qu'on connaît moins, mais il a beaucoup travaillé sur la musique. Et d'ailleurs, pour répondre à la question posée aux autres auditeurs, moi j'ai fait la connaissance de mon père le jour de ma naissance, le 30 janvier 61, et il revenait d'une table ronde à Valence, parce qu'il avait fait une étude pour l'UNESCO sur le film d'art dans la préservation et le développement des arts et traditions populaires musicales. Donc c'est une facette un peu moins connue, mais quand on regarde bien ses articles, et je pense que Nicolas sera d'accord, il y a beaucoup de thèmes qui sont musicaux. Il y a beaucoup de travail sur, d'intérêt, je dirais, sur les architectures, la construction des formes animées. Et bien sûr, la musique et l'image sont intimement liées, que ce soit dans le cinéma prise de vue réelle ou dans le cinéma d'animation. Ouais, la musique émouvante, on l'entendra d'ailleurs dans un petit extrait, il parle au cahier du cinéma que la personne avec qui s'entendait mieux était finalement quelqu'un qui était chorégraphe plutôt, et qui finalement, c'est pas du tout les critiques cinématographiques de l'époque. C'est pas qu'il s'entendait le mieux, mais c'était le compare comme un personnage. Il se compare à ce personnage qui passait et faisait de petits articles techniques pour expliquer qu'il n'était pas totalement aligné dans le processus, dans les idées de l'époque. Alors on va écouter plutôt l'homme d'action déjà. Nicolas, je vais te demander, puisque c'est toi qui as fait le choix, et même si j'en ai pris trois sur les quatre que tu m'as envoyé, c'était un peu compliqué de tout prendre. Je vais te demander de nous parler un petit peu de cette émission. Tu m'as dit, quand on en a parlé, tu m'as dit, ah ça tombe bien, il y a une émission qui est complète, qui est disponible sur France Culture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Et tu te rappelles le premier extrait que j'ai choisi, nous l'introduire avant qu'on écoute, et comme ça on aura la voix d'André Martin. Alors oui, donc en fait, France Culture a l'habitude, dans des émissions qui se passe surtout la nuit, de reproposer aux auditeurs des émissions très anciennes qui ont été diffusées sur les ondes plusieurs, parfois dizaines d'années avant. Et il y a plus ou moins 8 mois, je crois, non, peut-être un peu plus, ils ont reproposé une émission qui date de 1983 à l'occasion de la sortie de Sans Soleil de Chris Marker, donc l'un des plus importants documentaires qui a été réalisé. Ils ont voulu faire une émission, et c'est Claude Jean-Philippe qui anime l'émission, et ne pouvons pas inviter Chris Marker, qui répugne à se rendre sur les chaînes de télé, les radios, etc., pour se faire interviewer. Ils ont demandé à André Martin de venir, accompagné notamment de Caroline Champetier, donc importante directrice de la photographie. Donc André Martin de venir, parce que André Martin était proche depuis les années 50, voire même peut-être les années 40, je ne sais pas trop, de Chris Marker. Notamment parce que, évidemment, ils sont connus au moins au Cahier du Cinéma, puisque Chris Marker a écrit quelques textes au Cahier du Cinéma avant d'avoir la carrière de cinéaste qu'on connaît, quoi qu'il avait même déjà commencé avant, puisque son premier film date début des années 50. Mais peut-être qu'ils ont même pu se connaître avant, et ça je sais pas trop, parce que Chris Marker a fait vraiment partie de toute la mouvance qu'il y a eu après-guerre autour des ciné-clubs, et aussi de Travail et Culture, de l'association Travail et Culture, qui visait à essayer de proposer aux gens peut-être un petit peu plus défavorisés ou aux classes populaires un accès important à la culture, et notamment au cinéma. Et André Martin a fait aussi un peu partie de cette mouvance-là, notamment à travers les ciné-clubs. Donc c'est pour ça que je me demande s'ils sont peut-être même pas connus avant. Et André Martin a régulièrement écrit sur Chris Marker. Enfin, il n'a pas régulièrement écrit. Il a écrit plusieurs fois, mentionné plusieurs fois Chris Marker dans ses écrits, notamment parce que Chris Marker a fait un peu d'animation. Il y a de l'animation dans Lettres de Sibérie, notamment. Et puis, il y a dans un des textes qui est dans le volume de Bernard Clarin, c'est un moment où André Martin mentionne que Chris Marker gravait des chats sur pellicule, directement sur pellicule notamment. Et donc peut-être que c'est pour ça que Claude Jean-Philippe a invité André Martin pour parler de Sans Soleil. Et là, la première question que Claude Jean-Philippe pose lors de l'interview, c'est, il demande à André Martin de se présenter, plus ou moins, de parler de lui. Et donc, bah, Nicolas, on va écouter ce que répond André Martin. Ce qu'il y avait dans vos articles, enfin je pense à vos articles sur les Marx Brothers, il y avait dans vos articles sur McLaren à l'époque, il y avait dans votre activité pour les journées du cinéma, il faut en dire un mot aussi des journées du cinéma, si vous voulez en parler, parce que je crois que jamais les journées du cinéma nous ont autant manqué qu'aujourd'hui. Alors, je voudrais que vous racontiez ce qu'étaient les journées du cinéma. Oh, c'est simple, c'était les débuts d'une circulation des œuvres cinématographiques plus rapide que celle des ciné-clubs. Ça consistait à organiser dans des villes de France une grande fête où brusquement tous les cinémas possibles débarquaient, y compris la version originale, ce qui n'était pas fréquent dans les villes qui à l'époque s'appelaient de province. C'était aussi l'occasion de créer un festival spécialisé pour les courts-métrages, en prenant bien la peine la première fois d'expliquer qu'on allait faire tout un festival avec rien que des courts-métrages, parce que ça aussi, ce n'était pas encore une idée reçue. Ça consistait aussi à distinguer... Oui, ça consistait à distinguer les provinces du cinéma, montrer comme il était pluriel, grand, compliqué, riche, divers. Il y avait un côté forain aussi. Alors, il est évident que pour faire comprendre cette attitude, qui ne correspondait pas à une attitude commerciale, une attitude académique, l'attitude foraine était celle qui faisait le mieux comprendre la règle du jeu dès la première seconde. Et ça marchait très bien, je crois. Et ça marchait très bien pendant deux décennies, ça a fonctionné. Et je crois qu'on s'est arrêté, nous, plus par lassitude que par impossibilité de continuer. Le festival d'Annecy aussi, qui était un festival sur les films d'animation et qui révélait bien que quelque chose se passait dans le cinéma image par image, bon, et à l'échelle mondiale. Alors l'image par image, c'est devenu votre spécialité professionnelle, puisqu'il y a eu les dessins animés de Martin Bocher. Oui, ça l'a toujours été. Je crois que le léger malaise que je pouvais ressentir au Cahier du cinéma est que j'étais l'un des seuls cinéastes d'animation, un des seuls cinéastes de synthèse, à côté de cinéastes de prise vue réelle, de cinéma, d'un art d'enregistrement. Et je ne peux que me comparer à un étrange personnage qui passait au Cahier du cinéma de temps en temps et qui était un spécialiste parisien de la danse et qui apportait des petits articles sur le cinéma industriel et sur le cinéma technique. C'est un peu un intérêt pour le cinéma de synthèse, pour le cinéma de total contrôle, pour le cinéma de totale fabrication, pour le cinéma de caricature, pour le cinéma de peinture, pour ce que Sadou l'appelait la ciné-peinture. Et mon apport intéressait beaucoup Bazin, par exemple. Nous avons eu des entretiens très riches sur les symboles, sur la graphie. Et je ne sais pas si un jour, au risque de faire parler un homme disparu, je n'essaierai pas de traduire le Bazin qui n'était pas le Bazin de la transparence en prise de vue réelle, qui était le Bazin du schéma, qui était le Bazin de la synthèse, qui était le Bazin de la discursivité. Et c'est très curieux parce que c'est un Bazin qui pratiquement n'existe pas pour l'univers entier et qui n'existe dans ses œuvres que par un seul mot, parlant du film sur Picasso de Clouzot. Et brusquement, il dit « N'en déplaise à Martin !» C'est la seule preuve tangible que j'ai de discussion qui touchait à son scénario sur les églises de Saint-Onge, enfin tout le Bazin graphique, le Bazin de condensation, un Bazin de pédagogie, de simplification pour accroître la valeur d'expression de symbolisation. Et j'ai une autre preuve, c'est l'article sur rythmétique de McLaren. Qu'il a produit, il a tellement produit en retard, je ne le voyais pas arriver, que j'en ai fait un, ce qui fait qu'il y en a eu deux, il y a le mien, et celui de Bazin et le mien. Je dis le mien d'abord, puisqu'il était le premier. Alors, c'est tout un cinéma du contrôle total et de la possibilité de condensation et de la possibilité d'ordination des œuvres, de contrôle plus précis et d'ordination opérationnelle, c'est-à-dire un cinéma dont le projet est différent. Et alors, lorsque les C'est coupé un peu plus tôt, Nicolas. C'est un petit peu... Après, si vous ne connaissiez pas la parole d'André Martin, là ça y est, vous connaissez, vous vous rendez compte qu'on a, on pourrait presque faire une heure et demie quasiment uniquement sur cet extrait entre l'opposition, on reparlera, opposition ou pas d'ailleurs, comme il le dit avec Bazin et ce genre de choses. On va rester sur quelque chose que je voudrais... On va dire hein, que l'émission complète est disponible sur France Culture. Il suffit de taper Chris Marker ou Sans Soleil, Chris Marker, on tombe dessus. C'est un homme d'action avant tout. Je pose la question à chaque fois, je vous dirai, puis n'hésitez pas si vous voulez prendre... J'ai l'impression que quand je l'entends et quand je le lis, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a cette envie de défendre les choses. Oui, on peut même le reprendre par rapport à la création des journées du cinéma. En fait, André Martin est monté à Paris, de Bordeaux, hein, c'est un Bordelais, en 1950. Et il participait beaucoup au ciné-club, à différents ciné-clubs, et il s'est très vite fait remarquer par son discours, sa gouaille, ses positions. Et il y a une personne qui l'a remarqué, qui s'appelle Pierre Barbin, qui était le responsable du ciné-club de Versailles, avec qui il se sont entendus, et également avec mon oncle Michel Baucher, le compère d'André Martin, pour créer les journées du cinéma. Et la première journée du cinéma a eu lieu à Versailles le 20 novembre 51, du 20 au 27. Bon, il est trop tard pour s'inscrire. Hein. Et ça a été le début de toute une épopée qui a duré, je dirais, toute la décennie, où cette équipe visitait les villes de province. Organiser des projections donc en salle, mais également des projections à la sortie des usines, dans le centre-ville, avec une camionnette. Tu te rappelles, Jean-Baptiste, c'est toi qui avais identifié cette photo quand je te l'avais montré. La fameuse camionnette Citroën, en fait, où il y a une sorte de une énorme télé, ou plutôt, plus exactement, en fait, une sorte de verre dépoli avec une lentille grossissante, enfin, un artifice comme ça, un peu. De optique, et en fait c'était bien sûr c'est projeté avec une caméra derrière qui filme chargé en arrière à l'envers, et donc projeté avec sur cette lentille, et donc ça permettait bien évidemment de avec la camionnette d'aller à peu près n'importe où, d'organiser des projections à peu près n'importe où et de fidéliser, je sais pas moi, sur les photos à chaque fois on voyait 10, 15, 20 personnes, ça dépend quoi, mais pour des petits courts-métrages c'est absolument remarquable. Donc ça a eu du succès, c'était osé de projeter du McLaren à la sortie des usines, mais ça a très très bien marché. Donc il y avait quelque chose d'un peu nouveau. Faut voir qu'on est au début des années 50. Donc il y a les ciné-clubs, mais qui restaient sur des programmations qui étaient quand même restreintes. Il y a les cinémas institutionnels, il y a le plan Marshall, des quotas de films américains, etc. Des grandes difficultés pour le cinéma français, pour remplir les salles sur les films français. Et donc, il y a eu ce mouvement. Qui a très très bien marché, qui a donné lieu effectivement à la création des Journées internationales du cinéma d'animation, qui ensuite sont devenues le Festival d'Annecy, le Festival de Tours sur les courts-métrages. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ça englobait le court-métrage, le cinéma expérimental, la prise de vue réelle, le cinéma image par image. C'était vraiment l'ensemble des versions originales et des œuvres de création originales. Ça, on va revenir dans une deuxième partie, parce que je pense que c'est aussi un homme... c'est évident que c'est un homme des mots. On l'a bien entendu aussi là-dedans, et on va revenir sur ces mots-là parce qu'ils sont importants, et justement le fait de voir le cinéma d'une manière que je pense, d'ailleurs, on le voit finalement assez peu, même encore aujourd'hui, hein, dans une globalité, dans quelque chose de beaucoup plus large. Donc ce côté militant, parce que c'est ça qui est intéressant. Tu vois, Jean-Baptiste, le court-métrage, toi qui sais tout... des pièges comme ça. Je m'arrête de travailler. C'est vrai. Non, il y a encore plein de choses. T'as encore plein de belles choses à nous montrer. Est-ce qu'il y a beaucoup de courts-métrages justement à l'époque? Est-ce que c'est alors il y en a eu quoi, dans les années 10, oui, dans les années 10, 20 ans, évidemment non, avant ça, que après guerre. Oui et non, c'est-à-dire que effectivement, pour rappel quand même, le CNC a été créé en 46 et sans vouloir tout ramener au CNC, De Gaulle et enfin le gouvernement de la Libération a vraiment voulu justement structurer cette industrie-là parce que effectivement, il s'agissait de ne pas se faire manger tout cru par les Américains, ouais, mais par aussi tous les autres. Enfin, je veux dire, la France sortait quand même de la guerre et il fallait organiser le pays et il fallait répondre à toutes les demandes. Donc, Jean-Baptiste, pardon, parce que ceux qui connaissent pas, le plan Marshall impose un quota de films américains à montrer. En échange donc d'une manne financière qui est assez conséquente de la part des États-Unis, qui peut être saluée quelque part, mais en fait bon, enfin on va pas refaire l'histoire ni quoi que ce soit. Il y a toujours du business. En fait, ça marchait un peu de dupe, c'est-à-dire que on donne de l'argent pour que les pays tels que la France puissent consommer des produits américains. Et bien sûr, c'est sous couvert politique pour lutter contre le communisme, puisque de toute façon, on est déjà dans la séparation de partage du monde. Donc, pré-guerre froide, mais bon. Mais voilà, mais je reste très général là-dessus. Et donc, effectivement, il faut quand même que l'industrie cinématographique française, la création française, avec aussi tous ces créateurs qui ont pu partir, notamment aux États-Unis, enfin, ou à l'étranger, se réfugier à droite à gauche, qui, quand ils reviennent en France, puissent produire. Donc, effectivement, il y a un réel essor, quand même, des courts-métrages. J'ai pas les chiffres en tête là, parce que là tu me poses une colle, mais de toute façon c'est crescendo, hein, mais effectivement il y a quand même pas mal de je veux dire, l'industrie revient, ça repart, il y a énormément de documentaires, il y a beaucoup de choses sur la reconstruction, beaucoup de films pédagogiques et effectivement bon des films de fiction documentaire, il y a l'IDEC. Enfin bon là, il y a l'industrie cinématographique qui se forme et qui se... Il y a de l'animation, il y en a, on le sait, hein, mais est-ce que y en a, mais sauf que le monde de l'animation... C'est toujours pareil, ça se compte sur les doigts d'une main. Quoi. Ouais. À l'époque, au sortir de la guerre, il y a qui? Il y a Gribon qui a réussi à s'en sortir, il y a Omer Bouquet, il y a Jean Image, qui y a d'autres encore comme ça. Bon, Grosse et Opine, ils ont perdu, enfin, je veux dire, ils ont disparu corps et bien. Bartoche, ouais. Bon, ben, il se bagarre avec ses nouveaux projets de films chez lui, au-dessus du vieux Colombier, mais il fera jamais rien, on le sait. Il y a Étienne Reich, il y a Alexey F qui revient en 47 en France et donc qui se lance là dans le film publicitaire parce que, effectivement, et ça c'est très, très, très, très, très important, c'est que, l'un des secteurs d'activité en France pour le court-métrage où justement les Américains ne peuvent pas entre guillemets pénétrer le marché, c'est le film publicitaire. Et c'est tous les annonceurs, toutes les grandes marques comprennent ça, que en fait par le cinéma on va toucher un grand public et que donc l'art du film publicitaire, l'âge d'or du film publicitaire en France, c'est 50-60. À peu près, après il y a une petite crise, bon après ça reprend dans les années 70, puis après on connaît son essor dans les années 80, mais voilà, et donc en fait tous les auteurs, Grimaud, ceux que je viens de citer là, ils se réfugient tous dans le film publicitaire. Ça leur fait, enfin je veux dire, ça permet de subsister eux et de faire vivre leur société, et puis à côté, quand ils ont un peu d'argent, ils font un ou deux films d'auteur, et voilà, et ça leur permet comme ça, et l'industrie s'organise comme ça. Martin Bauchet, c'était pareil, quoi. Dans les années 50, il y a beaucoup, André Martin commence à voir beaucoup de gens, McLaren, Grimaud, commence à parler avec eux, commence un peu à... Ouais. Disons que dès 51, on a la chance d'avoir quelques manuscrits encyclopédiques déjà, avec ces notes. Donc effectivement, il y a déjà des notes sur McLaren, Alas et Batchelor, peut-être Alas tout court d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils étaient encore ensemble. Donc il y a vraiment un intérêt très prégnant sur le cinéma d'animation, mais qui reste large parce que il faut aussi vivre. Donc les débuts des années 50, c'est pénurie de logements, C'était compliqué de se loger, donc mon père a travaillé chez Publicis, justement, donc il y a une corrélation au départ. Et puis toute cette activité autour des ciné-clubs, c'est vraiment quelque chose peut-être qu'on connaît mal maintenant, mais c'était extrêmement important. Il y avait toute une communauté qui réfléchissait, débattait sur le cinéma. Et c'est de là que tout est parti. Certainement, du moins c'est ce que dit Bernard Clarence, et puis c'est ce qu'on peut constater dans les documents qu'on a, sonores, visuels. Il avait un côté showman qui marquait, qui lui a permis d'avancer. Voilà. Et donc c'est ce qui a permis d'avoir ce parcours avec les journées du cinéma, et puis après rentrer au cahier du cinéma, l'écriture des articles. On va revenir sur l'écriture, mais juste pour finir sur ce côté montrer les choses, donc il y a ce qu'on vient de dire, et puis il y a cette fameuse, alors on fait un saut dans le temps, hein, ça sera pas chronologique, mais parce que je voudrais juste parler de ce moment de montrer les choses. Il y a cette fameuse exposition qu'on n'a pas vue, évidemment, 67, pas, pour beaucoup on n'était pas nés à peine, à Montréal, qui est une expo qui est, moi j'avais vu Marco de Blois avait fait une petite exposition dessus, enfin une belle exposition dessus lors des sommets d'animation, qui est quand même assez fondamentale, 67, parce qu'on en entend peu, assez peu parler, mais elle réunit un monde absolument fou. Il y a un tableau, on voit tous les noms, ça fait rêver. Jean-Baptiste, tu veux un petit mot sur... Oui, ça fait rêver, parce que je parlais de la communauté qui était en fait très, très, très restreinte. Alors en France, c'était 30-50 personnes peut-être, mais au niveau mondial, effectivement, on était peut-être à 300-500 personnes, ouais. Peut-être, chose comme ça. Mais je vois parfaitement la photo à laquelle tu fais référence, c'est en fait une sorte de tableau noir d'écolier avec tous les noms marqués à la craie comme ça, et quand on voit les noms on tombe dans notre chaise, parce que en fait c'est pas compliqué, il y a tous les grands, quoi. Et puis sans frontières, et c'est ça qui est très intéressant, et ça rejoint aussi un peu la philosophie aussi des journées du cinéma, c'est que en fait là il y avait pas, alors ou d'autres journées cinématographiques qui pouvaient être organisées aussi à l'initiative de Pierre Barbin auquel André Martin et Michel Baucher pouvaient être associés, à savoir les journées par exemple du cinéma soviétique ou les choses comme ça. Et donc effectivement avec des échanges comme ça qui sont, enfin, on est quand même en guerre froide, quoi. Et politiquement, on se demande comment les gens ont pu récupérer les films à l'époque, les faire sous-titrer. Enfin, il y avait vraiment, alors effectivement, il y avait toujours une propagande et toujours sous couvert de une sorte de propagande politique où c'était très important pour les pays aussi de montrer que leur art était peut-être meilleur que celui du voisin, que à l'Est on faisait mieux, de meilleurs films qu'à l'Ouest. Mais c'est quand même assez, enfin, moi de mon point de vue aujourd'hui, enfin, je veux dire. C'était, mais comment ils se débrouillaient, et c'était assez, je trouve ça, je suis assez en fait admiratif par rapport à ça. Et effectivement, il y a comme à Annecy, comme donc à Montréal, on se retrouve aussi quand on parcourt certaines archives avec des photos absolument délirantes où on a sur la même photo le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, ouais. avec par exemple Grimaud et Alexeïev d'un côté, et puis de l'autre côté il y a Norman McLaren et puis Trenka. Ouais. Voilà, des gens comme ça. C'est ce qui est étonnant, oui, c'est ça, c'est qu'à l'époque, donc, Zagreb va être créé, et on pourrait croire qu'en effet, il va y avoir d'un côté, soi-disant, le gros festival du bloc de l'Est, et en fait, chacun, c'est une année chacun, et qu'au contraire, chacun essaye d'aller plus ou moins à Zagreb chaque année, aller à Annecy, et qu'il y a des échanges, en fait. Il y a d'énormes échanges. Ouais, c'est très ancien, en fait, ça date de 56, hein, des premières journées internationales, ouais. Du cinéma d'animation, qui était à Cannes. Qui était un très très gros pari. Il y a un article dans les cahiers du cinéma là-dessus où visiblement les gens ont donné leur accord très tard. Ce sont des choses qui arrivent. les films sont arrivés très tard, et là les journées du cinéma ont pris une dimension internationale, et effectivement les pays de l'Est étaient très présents avec le cinéma d'animation, le cinéma d'État. André Martin a écrit plusieurs articles là-dessus. Il y a des génies absolument absolus. Trenka, on peut parler aussi en plus jeune de Boyard, et beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de choses, puisqu'on parle de Zagreb en Yougoslavie, plutôt côté croate aujourd'hui. beaucoup de créateurs, etc. Donc en fait, c'est là qu'est né, et c'était stupéfiant, et c'est décrit comme ça. Les Américains ont rencontré les Tchèques, etc., à l'occasion en 56 et en 58, et c'est là qu'est né ces organisations internationales, ces contacts, qui ont donné plus tard le festival de Zagreb. Donc la CIFA. Et la CIFA. Un peu plus tard, j'ai un trou de mémoire sur la date de la naissance de la CIFA. Non, plus, je n'ai plus la CIFA. Hein? C'était 59-60. Mais c'est ouais, ça, 59-60. Hein, c'est ça. En fait, là, à partir de là, et est-ce qu'André Martin fait partie de ces gens? Parce que finalement, on a beaucoup de créateurs, mais on a assez peu de théoriciens qui sont à ce moment-là et qui fondent un peu cette espèce, pas d'international, ça serait un mot, mais en tout cas un peu de l'animation. Jean-Baptiste? Alors, il y a un autre. Enfin, de ce que je m'en souvienne, il y a un théoricien, mais c'est pas en fait un théoricien, en fait il aimait bien parler en toute modestie de son travail, mais c'était Alexeïev pour changer, qui parce qu'il a énormément d'écrit là-dessus, mais en fait après il a fait opérer une sorte de glissement et il a, même si souvent il prenait comme base son travail, sa réflexion sur son travail, en fait il essayait de l'élargir à l'animation en général, donc ce qui donnait en fait des textes théoriques, et donc on a plusieurs textes comme ça, il y en a certains qui ont déjà été édités d'ailleurs, regroupés par Dominique Ouloubi, et c'est un très beau travail de sa part, et justement sur l'animation en général. Mais après, mis à part André Martin, alors s'il y a quelqu'un aussi que moi j'aimerais bien, enfin il est mort, mais j'aimerais bien retrouver aussi des traces, c'est Hubert Arnault, quand même, rédacteur à la revue Image et Son, entre autres, qui a fait pas mal de choses. Et pareil, lui, il essayait aussi un peu de théoriser quand même le cinéma d'animation, mais sinon, il se compte sur le doigt d'une main. Il semble aussi simplement que, à la même époque, mais alors évidemment, c'est de l'autre côté, il y avait un groupe qui était lié au Festival de Zagreb, et donc plutôt un groupe de gens qui venaient de Croatie, ou enfin, ex-Yougoslavie, on va dire plutôt, qui théorisait aussi. Mais par contre, évidemment, dans une langue que personne ne maîtrise, oui, c'est dommage qu'on n'ait pas. Je sais qu'il y a Nguyen notamment qui lit, hein, qui arrive à lire le sabot croate, et en fait dit achète souvent, et notamment ce que faisait aussi le Festival d'Annecy, malheureusement abandonné, mais en tout cas, alors c'était encore plus poussé à Zagreb, c'était vraiment des livrets à chaque année, à tous les deux ans pour chaque festival, avec des papiers vraiment détaillés sur l'histoire, sur des choses comme ça. On a aussi évidemment, c'est horrible d'oublier son nom, alors il arrive un peu plus tard, mais dans les années 80, écrivain suisse, notre auteur suisse dont j'ai oublié le nom, Bruno Edera, oui, oui, bien sûr, fait, oui, on reparlera à la fin de, bien de gens comme Gianalberto Mazzetti, sortir de la guerre, si il y a éventuellement, mais de manière générale, j'y pense juste comme ça. Émile Vuillermoz, éventuellement, qui a écrit pas mal d'articles sur le cinéma d'animation. Et puis Paul Gilson. Mais c'est pas. On peut pas les considérer comme des théoriciens. Oui, Marcel Martin, Benayoun. Oui, mais c'est nettement plus tard. C'est nettement plus tard. C'est-à-dire que. 50, là. Oui. C'est-à-dire, ouais, 45, 50, 60. Ouais. Pour moi, enfin, en France. Sauf erreur de ma part. Il y avait aussi, mais alors il a écrit juste un ouvrage qui n'est pas non plus fabuleux, il y a Loduca. Oui, mais on n'est pas dans. C'est pareil, c'est quand même Benayoun. Est-ce qu'on est dans des théoriciens ou des. C'est pas du tout des historiens qui sont importants, mais est-ce qu'on est sur des gens qui ont vraiment réfléchi sur le mot animation, image par image, sur. Là, j'ai renoté, un total cinéma du total contrôle, enfin, etc. C'est genre de choses. C'est des mots qui sont forts que je ne me rappelle pas avoir lu chez Loduca, chez Benayoun ou chez des gens comme ça. Surtout à cette époque. Bah oui. D'abord parce que ce que vous avez cité, c'est 83. Si on trouve, je suis en train de les noter, on trouve des éléments qui préfigurent justement les images de synthèse dès les années 50. C'est l'architecture, c'est le langage au sens large de l'image avec son. C'est très simple en fait, hein. Il y a le lexical, les caractères, il y a le syntaxique, les mots, et le grammatical, l'articulation des mots. Et ben. Ce que je propose, c'est qu'on fasse. C'est très bien, comme ça, on va pouvoir passer sur les mots et sur l'André Martin plutôt, un homme de mots. On va faire une petite pause. Je vais changer un petit peu. Vous allez voir toute la musicale. Là, c'est même pas de la musique. On verra bien. C'est Stames, Ansley Anderson. C'est un très très beau court métrage. On va entendre juste la bande son qui fait 2 minutes sur la magie du volume. Alors stop motion, comme on l'appelle aujourd'hui. Ansley Anderson est aussi musicien, et son film que vous pouvez trouver sur internet est un film absolument magique, comme ça, très très beau, de 2 minutes. Où il explique pourquoi il aime mettre en place ces personnages, et que petit à petit elles prennent vie un peu comme la musique, et comme ça, c'est très très beau. C'est de l'anglais, c'est 2 minutes. On écoute ça et on revient juste après. I suppose puppet making often begins by just gathering stuff, like materials that I find attractive, you know, like wood and sticks and wire and leaves and flowers and petals, like bits of broken electronics and like things that have already had a life or lovely to have in puppets. And then from there you just start improvising. You know, it's like making music. You just see where it leads you. I stick and sculpt and keep scraping and putting things together and shaping things. And then suddenly what was just stuff becomes this character staring back at you. And what I love about stop-motion puppets is that they have this inherent sadness about them. They're like little actors that only ever get to play one role. Everything they do is their swan song. Thames, toujours Bulle de rêve, bien sûr, sur cette émission spéciale sur André Martin. Puis je trouve ça intéressant parce que tout à l'heure on parlait, d'ailleurs ça tombe bien, je ne savais pas, mais qu'André Martin avait écrit beaucoup sur la musique. Et là, Hans Andersen vraiment compare les deux et compare la musique avec son regard sur la musique, avec son regard sur l'animation. Donc en effet, puis qui parle de danse, je trouve que là on est dans des choses qui se regroupent. On se disait, avant de parler des mots, un petit mot sur donc cette fameuse, parce que j'ai pas posé ma question en effet, quel était le rôle d'André Martin dans cette exposition, et puis hors micro, tu sais que 67 avait été très très important, et voilà, au-delà des noms qu'on a vus et que nous qui nous impressionnent, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, effectivement, c'est une année extrêmement dense pour André Martin. Alors déjà, l'expo 67, c'est quelque chose d'énorme pour le Québec, pour le Canada. C'est 50 millions de visiteurs en 67. Donc déjà c'est un événement vraiment tout particulier. Il y a un autre événement qui est extrêmement important, c'est qu'on a tous déménagé à Montréal cette année-là. Comme quoi. sur l'expo, en fait, l'expo a été préparée avec les vieux amis, si je puis dire, donc Raymond Maillet, il y avait beaucoup de Français qui étaient impliqués. Il y a également Guy Côté, un Canadien, réalisateur, cinéaste, critique, qui a participé. Il y a une super photo il y a un site sur Guy Côté qui a été fait par sa fille. Il y a une super photo d'André Martin, Raymond Maillet et Guy Côté avec le théâtre optique été reconstitué pour l'époque. Une expo extrêmement importante et complète. Je dirais que les équipes étaient rodées puisque ça a démarré dans les années 50. Donc Raymond Maillet a dû rejoindre la bande à la fin des années 50. Donc c'était extrêmement professionnel et rodé. Une étude sur la généalogie du cinéma d'animation américain qui a donné lieu à un tableau qui retrace toutes les filiations et toutes les dérivations du début du siècle aux années 40, qui était aussi un travail extrêmement important qu'a fait mon père. Et puis, effectivement, la venue de personnalités du cinéma d'animation du monde entier, avec, on peut voir sur Internet un article de Marco de Blois, de la Cinémathèque québécoise, qui s'appelle « Le cocktail du siècle », qui retrace ce cocktail à l'hôtel Windsor, qui réunissait vraiment toute la fine fleur de l'animation mondiale. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est une communauté qui est véritablement née en 56 et effectivement 67 ça a été extrêmement important avec des grandes personnalités nord-américaines. Est-ce que c'est à un moment donné où André Martin se dit, parce que j'ai l'impression, je pourrais pas lire, et Nicolas tu peux peut-être mieux dire que moi évidemment, c'est, j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où il passe beaucoup plus dans le côté faut que je défende l'animation. C'est-à-dire que j'ai un côté, je théorise, j'ai l'impression, hein, il parle, c'est des choses intéressantes. Puis à un moment donné, on rentre un peu plus. Il y a un article absolument incroyable sur les critiques qui sont nulle part. Je crois que c'est dans les années 60. Non, un peu plus tard, 70, non, 80. Il y a déjà des articles dans les années 50 dans lesquels, oui, déjà, par exemple, d'accord, pourquoi, ouais, votre critique était muette. C'est ça, oui, c'est 50, d'accord. Il y en avait encore d'autres dans lesquels il dit que clairement, la plupart des critiques préfèrent consacrer des pages entières à des longs métrages mauvais plutôt que de parler du petit bijou de 5 minutes qui passe avant le film. Et ça, finalement, c'est très rapidement, finalement. Ouais, très rapidement, Clément, en fait, il est déjà militant dans son premier article sur l'animation. Connu, dessin animé et pesanteur, que je ne comprends pas d'ailleurs tout à fait, je suis un peu en désaccord sur ce qu'il écrit sur le cartoon, parce que c'est pas lui, mais c'est déjà un militant, et effectivement ça va être, il devient le héros du cinéma d'animation, H-E-R-A-U-T je crois, le portant la bonne parole et défendant un cinéma à part. C'est en créant des premières manifestations à Cannes, puis un festival à Cannes, en même temps que le festival, et puis qui est devenu Annecy, avec toute la bande. Et dans ces articles, pardon, oui, Nicolas. Et puis justement, il y a aussi, par contre, c'est vrai que cette période en 67, qui est toujours assez surprenante, parce que quand on lit l'interview qu'il y a dans le début du livre de Bernard Clarins, qui date de 67 et qui a été faite par justement Hubert Arnault, il écrit quand même qu'il devient critique vis-à-vis de l'animation. Et c'est ça qui est assez surprenant, parce que il va dresser cette espèce d'énorme tableau panoptique pendant l'exposition universelle, l'exposition. Il va vraiment s'occuper de pas mal de choses, et en même temps, il écrit quelque chose comme la tendance actuelle de l'animation est mortelle et sinistre. C'est sans doute pour cela qu'il n'est même pas possible d'en parler. On ne dit pas au grabataire que la fin approche. Ce que je dis est un point de vue très personnel que Michel ne partage pas. Pardon, mais c'est pas mal sur le cartoon aussi américain. Il est très très critique. Là, il va plus vers l'indépendant. Je sais pas si c'est l'indépendant, en tout cas, il va plus vers l'artisanat. Et il a des choses très très dures sur le cartoon américain, disant qu'ils ont plus rien à dire, que c'est toujours les mêmes choses, les mêmes gags éculés. Enfin, il est. Alors, il y a plusieurs plans. Déjà, je peux vous garantir qu'il aimait beaucoup le cartoon américain, puisqu'on passait les week-ends le matin à les regarder à la télé ensemble. Lui, il prenait beaucoup de notes. Moi, à l'époque, j'avais 7 ans, 6 ans, 8 ans. C'était très bien de regarder des dessins animés avec son père. Donc il a toujours eu un intérêt. Pour moi, André Martin défend un cinéma instrumental, un cinéma expérimental, un cinéma artisanal, par opposition à un cinéma industriel. Et il défend le mouvement. C'est-à-dire que dès que le mouvement est détérioré, là, le dogme est atteint et il écrit des articles féroces. On peut citer celui de 62 sur l'animographe du service de la recherche de l'RTF, où il éreinte littéralement les personnes qui ont conçu cet audio-engin qui permet de diminuer les coûts par 100, mais qui réduit le nombre d'images par seconde et qui donc limite très fortement et empêche beaucoup de choses au niveau de l'animation. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Qui va quand même donner des choses intéressantes, non, Jean-Baptiste, sans vouloir dire que voilà. Non, mais ce que voulait dire par là André Martin et Clément, c'est qu'en fait, l'animographe, c'était effectivement Le Loup dans la Bergerie, et savoir que ça, ouais. on passait de plusieurs animateurs ou traceurs, enfin voilà, à intervallistes plutôt, à une personne, et puis effectivement, on avait un nombre de dessins. Je crois que Jean Dejoux, donc un inventeur de l'animographe, disait que je crois qu'on pouvait faire en fait 8 dessins, et on s'en sortait quoi, en gros, dans 8 dessins par seconde. Donc bon, voilà. Après, c'était une économie de moyens qui, pour moi, était tout à fait valable, justifié. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais en l'occurrence, pour les Shadoks. Qui a permis sûrement de faire les Shadoks, sinon 24 images, ouais, non, ça n'aurait enfin, jamais voilà, été quoi, fait donc, par la télé. Oui, oui. Mais donc c'était le mouvement. C'est le dogme. Voilà, c'est le dogme du mouvement. C'est ça qui est important. Donc ce qui ne plaisait pas dans le cinéma d'animation et dans les tendances à cette époque, 67, disons, effectivement, c'est, il a des articles assez lourds. D'ailleurs pas d'accord avec Michel Bauchet, c'est qu'on diminuait le nombre d'images, ouais. Des productions de masse pour la télévision, pour la télé, ouais. Avec une dégradation de l'animation où on tombait, je dirais pas 4 images secondes, mais presque, quoi. Ouais. Et donc qui sortait complètement du domaine, pour André Martin, du domaine du cinéma d'animation. Et c'est là qu'il avait sa déception. Donc c'est vrai ce qu'est cette affirmation, et en même temps c'est pas tout à fait vrai. J'ai lu hier dans une thèse d'une personne qui s'appelle Cécile Walker, qui a une thèse sur les nouvelles images, et c'est 300 pages extraordinairement denses, il y a un travail énorme, et il y a beaucoup de choses sur André Martin. Il y a un extrait de cet article où il dit: j'éprouve le besoin de me retirer pour 1 ou 2 ans parce que je suis déçu. Et donc là, il y a quelque chose qui est aussi lié à sa trajectoire, c'est que tout le travail qu'il fait sur les médias, les rapports des médias avec la sociologie, suite à ses rencontres avec les Canadiens au début des années 60, qui a fait que d'ailleurs il y est resté à partir de 67, tout ce travail l'éloigne, et il y a un projet, il devait partir pour au Canada pour 2 ans. Et il y est resté 10 ans. Et donc, il y a du personnel, un regard, je dirais, objectif sur l'évolution de l'animation avec les médias de masse. Et donc, énormément de programmes, il faut alimenter les chaînes en programmation. En France, il y a 3 chaînes à cette époque-là. À Montréal, il y en a 40. Ça se développe énormément, et on rentre dans cette culture audiovisuelle de masse. Alors ça tombe bien, parce qu'on va écouter André Martin, et on va voir que oui, il faut vraiment pas l'imaginer comme quelqu'un, parce que là ça pourrait être un peu simple, parce que de rétrograde sur l'animation ou sur un dogme, puisque il a vu, il parle d'image de synthèse très très tôt, et il voit l'idée de l'image comme elle va être plus tard très rapidement. Donc c'est intéressant de voir évidemment que il y a une critique par rapport à un certain cinéma, alors pas le cartoon, mais un certain en effet vision Hanna-Barberesque, on pourrait presque dire, de l'animation. Mais par contre, d'un autre côté, il y a des choses absolument passionnantes. Nicolas, on va écouter normalement le morceau qui est juste après la petite interview. Qui s'est créé en France, quelle est c'est audiovisuel. Et puis alors, il y a la chose dont vous étiez, tout compte fait, André Martin, le prophète, ce que vous appelez l'image de synthèse, et qui maintenant devient une technologie. Oui, alors, et qui d'ailleurs est inscrite et qui joue sa place qui joue vraiment une place très importante dans le film de Marker, Sans Soleil. Alors moi, je voudrais que vous parliez des deux, c'est-à-dire du deuxième point, c'est-à-dire celui qui vous passionne le plus. Mais l'essai audiovisuel, est-ce que ça vous suggère? Oui, oui, absolument, absolument. C'est Chris Marker est l'homme dans sa mobilité, dans son agilité, à escalader les lieux, les niveaux d'imagerie, et sans doute l'homme qui préfigure le plus ce que seront les super vidéodisques numériques qui vont apparaître à partir des années 90. Et qui seront des instruments où 50 000 images pourront être parcourues soit en mouvement, soit une par une, soit en relation particulière prévue, non prévue, imprévisible. À cet égard, un des plus avancés, le vidéodisque du MIT, qui vous fait visiter la ville d'Aspen, en vous donnant la possibilité, en touchant l'écran, de tourner à droite ou de tourner à gauche, de vous arrêter, de voir les états successifs d'un immeuble historique il y a 100 ans, il y a 200 ans, ou même d'assister à une interview du maire ou du shérif, parle d'une espèce de liberté de parcours proustien ou de curiosité baconienne ou dans l'image par image qui va caractériser l'évolution de l'audiovisuel dans les années 90. C'est-à-dire des formes de liberté opérationnelle, des formes de liberté de curiosité qui renouvelleront complètement le cinéma. Donc on est en 83, je vous le rappelle, on se le disait, hein, donc voilà, donc alors ça nous plaît toujours évidemment quand on a quelqu'un comme ça qui à une époque voit ce qui se passe, et comme on disait, hein, il voit déjà évidemment dans ce qui est en train de se passer, tout ce qui se passe aujourd'hui tout simplement, et même sûrement encore plus ce qui va se passer demain, de pouvoir être dans plusieurs endroits à la fois. Alors je dis souvent, hein, Philippe K. Dick le disait dans les années 60, les auteurs de science-fiction, il y a un côté un peu science-fiction qu'on aime bien, parce que de voir ça, c'est vraiment quelqu'un de son temps, c'est quelqu'un qui regardait ce qui se passait autour de lui, alors que l'animation détestait l'image de synthèse jusque dans les années 90 et même à Annecy, hein, c'était une hérésie de faire des images de synthèse. Lui avait compris évidemment que c'était une image qui allait être importante. Voilà, alors c'est probablement dû à son parcours, hein, c'est-à-dire que ces années nord-américaines l'ont rapproché. Bon, déjà il y a toute la réflexion sur les télécommunications et les médias et sur les technologies, il cite le mot technologie. Il a quand même travaillé au moins 6 ans, 7 ans là-dessus. Tout en continuant à fréquenter l'ONF, la Cinémathèque québécoise, les travaux de McLaren à la fin des années 60 sur ordinateur, les Peter Foldes, donc il était tout à fait au courant de ce qui se faisait en 70, hein, ça faisait déjà 10-15 ans qu'il y avait des choses qui sont tout à fait remarquables, qui étaient faites avec des ordinateurs. En 66, il y a un petit article qu'il avait découpé sur les deux techniques, les techniques de changement, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le changement de forme, anamorphose, ouais, et puis les technologies de, on applique une trajectoire sur des points, des choses comme ça. Donc il était tout à fait préparé, il le suivait, l'imagerie médicale, il suivait la simulation, il suivait, il y a vraiment une constante, un intérêt très fort, constant, continuel sur la technique, qu'il critique parfois, mais que d'autres fois il en fait la promotion, et c'est ça qui faisait qu'il avait cette vision. Et puis il faut pas oublier que il a travaillé au service de la recherche de la RTF au début des années 60, qu'il a travaillé, qu'il a dirigé le service de la recherche du Conseil national de la radio-télévision canadienne, je crois qu'il n'y a pas national, pendant 6 ou 8 ans. Qu'après il est rentré à l'INA, au groupe de recherche images, et donc c'est un chercheur et il travaille sur la prospective. Nicolas, j'aimerais qu'on revienne, je l'avais dit de toute façon avant, le temps passe toujours trop vite évidemment, j'aimerais qu'on revienne sur cette idée d'homme des mots, parce que moi c'est ce qui m'épate quand je lis, et encore plus là quand j'ai écouté l'émission, c'est qu'on sent qui cherche à la fois toujours le bon mot, et Clément tu nous le diras après, mais déjà Nicolas qui cherche toujours le bon mot et qui va essayer de toujours de contourner, mais de dire ah ben non là c'est peut-être pas le bon, et alors c'est visiblement lui qui aurait inventé le terme cinéma d'animation, et qui à la fois on a l'impression qu'il le remet, alors en cause je sais pas, c'est un mot fort, mais en tout cas oui, qu'il y réfléchit tout le temps en tout cas. Oui c'est ça, je pense que on sent, qu'on peut sentir d'une certaine façon à lire tous ces textes, si on s'amuse à lire ces textes, ceux qui ont été publiés et ceux qui n'ont pas été publiés, on sent quand même déjà ce côté chercheur dès le début des années 50, où il va penser qu'il faut inventer une nouvelle expression, de nouveaux termes pour essayer de réfléchir sur ce cinéma qui est légèrement différent des autres, qui n'est pas exactement, ou en tout cas à propos duquel il a une approche complètement différente des autres, d'où la création autour de 1953 du terme, de l'expression cinéma d'animation. Voilà, il va employer très souvent, et c'est pour ça qu'il y a un côté quasiment dogmatique là aussi, le terme de mouvement, cinéma image par image. Il va utiliser d'autres mots assez facilement. Et puis, en plus, après, quand il s'aperçoit qu'il y a de nouveaux moyens justement de communication, de télécommunication qui commencent à arriver, il change son vocabulaire. C'est-à-dire que c'est pas un vocabulaire qui stagne, qui est toujours le même et qui va utiliser de la première année jusqu'à la dernière année de sa vie. Il anticipe les changements par rapport justement à ce qu'il voit à travers l'image. Et dès le début des années 60, il commence à s'imprégner justement d'un nouveau modèle communicationnel. Il découvre aussi Marshall McLuhan notamment. Marshall McLuhan qui est l'un des grands penseurs des télécommunications et de la communication. Marshall McLuhan que les cinéphiles connaissent parce qu'il fait une apparition dans Annie Hall de Woody Allen notamment. Mais surtout, c'est le premier en France, Marshall McLuhan étant canadien, enfin travaillant au Canada en tout cas. Il est cité souvent par Théodore Richef aussi, d'ailleurs, aussi, auteur d'animation. Et André Martin est le premier en France à écrire un énorme article, je crois que c'était dans Images et Sons, et en 1965, qui s'appelle « Où en est le culte de l'image reine ?», un article de 40 pages, sur Marshall McLuhan. C'est-à-dire, on annonce quelque chose. Et dans cet article-là, on voit que son vocabulaire commence à changer. Il pense au flux, il pense à autre chose. Le terme d'image reste toujours, il revient toujours. Et plus il avance et plus son vocabulaire va changer. Et au début des années 80, il est encore différent. Il parle vraiment du cinéma de synthèse, il parle de cinéma opérationnel. Le terme instrumental date déjà des années 50, mais il le réutilise aussi assez régulièrement. Et en même temps, là on l'a pas dit, mais aussi par rapport à la synthèse, et c'est quelque chose qu'on voit là. C'est-à-dire que par exemple, c'est le premier en France à avoir réalisé avec la Sogitech, si je me trompe pas, le premier film d'animation en images de synthèse qui s'appelle Maison Vol, en sachant qu'il n'y avait, on avait pu utiliser le régime un peu synthétique auparavant, et d'ailleurs c'est pour ça que je pense aussi que Son Soleil l'intéresse beaucoup. Dans Son Soleil, il y a des synthétiseurs, il y a des images, un peu une imagerie synthétique qui arrive, mais le premier film en images de synthèse, c'est Maison Vol, et c'est André Martin. Donc cette envie, ce chercheur finalement, hein, comme il se dit lui-même chercheur, c'est parce qu'en effet il veut pas se limiter. On parlait du dogme, un peu du mouvement, ça c'est quelque chose, mais finalement il essaie de jamais se limiter à un style de cinéma, un genre, quelque chose. Il c'est quelqu'un de très curieux qui regarde absolument tout ce qui est autour de lui. Oui, c'est un théoricien qui met en pratique les choses, puisqu'il peut faire un premier film de synthèse avec un simulateur de vol, des moyens extrêmement pauvres, qui était le top à l'époque, mais extrêmement pauvre, c'est vraiment du filaire, on anime du filaire, ensuite les facettes, on les colorise, on les texture vaguement, je sais même pas s'il y a un modèle de lumière, et donc il mettait les mains dedans aussi dans des réalisations. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait les pages blanches, qui aimait la théorie, la réflexion, et qui avait effectivement une grande érudition, et qui a fait tout le temps des rencontres remarquables qui l'ont beaucoup influencé. Donc on peut parler de Pierre Schaeffer, fin des années 60, Roger Lénard, pour la partie réalisation, Henri Gruel, on en parlait, Marshall McLuhan, qui il est dans Annie Hall, mais il est aussi dans les deux courts-métrages qu'a fait mon père en 67, sur La télévision est là et Image que me veux-tu. Effectivement, il y a cette capacité de réalisation, accompagné de création. Quoi. Il y a un plaisir des mots. Je veux revenir un tout petit peu là-dessus, parce que moi, c'est ce qui m'épate le plus toujours. Je sais pas, Nicolas, après Clément, oui. il y a un vrai plaisir. On l'entend parler. Cinéma total, cinéma, on sent qu'il englobe plein de choses. Et en plus, c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup dans ses articles à faire des jeux de mots. Il y a énormément de jeux de mots. On sent qu'il y a un vrai plaisir littéraire, et il y a un vrai plaisir à la lecture. Et il y a des tout petits, dans les cahiers du cinéma, dans les années 50, quand il écrit, il y a un journal à la fin de chaque numéro des cahiers du cinéma auquel il participe de temps en temps, et en trois lignes il va résumer quelque chose, mais avec quelques jeux de mots simplement, justement tout simple, assez banal, mais on sent vraiment un plaisir des mots, un plaisir littéraire, ça c'est absolument certain. Je vais te reparler de ça, Jean-Baptiste, parce que moi ça m'avait épaté, le cinéma. Alors ça s'est tiré du cinéma chez soi pratique, qui est la revue bimestrielle des amateurs et utilisateurs professionnels du film étroit. On est en 60. Pour nos auditeurs, parce qu'on est quand même dans le temps. Noël 60. Chaque tous les deux mois, il va faire un article sur qu'est-ce que l'animation, la technique de l'animation. Si vous voulez faire vous-même vos films d'animation, voilà ce qu'il faut faire, etc. Ça s'inscrit aussi dans un mouvement de l'époque qui était encore une fois de plus la démocratisation aussi du cinéma, qui avait commencé aussi un peu dans les années 20 avec les formats 9.5, etc. Les formats réduit pour les particuliers, et là effectivement dans les années 50 on pouvait s'acheter des petites caméras Super 8 dans lesquelles en fait on retournait un peu comme une cassette audio le film à un certain moment, parce qu'en fait c'est du 16 mm coupé en deux, donc ça faisait du 8 mm, et donc voilà, donc il y avait une sorte de face A, face B, il y avait encore le 9.5, bon pour les plus fortunés il y avait le 16 mm, et donc effectivement effectivement, il y avait énormément de revues ou de livres, justement, qui techniques pour expliquer comment faire, etc. Enfin, alors, parlez-moi de ce, juste très rapidement, vous pouvez pas le voir, malheureusement, mais voilà, j'essaierai de le poster bientôt. Il y a quelque chose d'incroyable. On a, il y a principale technique d'animation, c'est un. C'est une sorte d'arbre avec des racines d'un côté, un tronc et puis des feuilles, quoi. Hein? Enfin, je veux dire, c'est un bel arbre, pour moi, c'est un bel arbre généalogique. C'est ça où on est, et il y a déjà l'idée de, quand j'ai de mots, dessin au pastel modifié sous la caméra, animation de matière poudre, animation et prise de vue directe. Alors, j'avais vu que la pixelation allait quelque part, mais c'est pas tout à fait personnage vivant, stop motion ou pixelation, c'est des pixelations, si. Déjà, le terme est là, les vue photographique, ombre, enfin. Oui, non, c'est hyper complet. C'est hyper déjà, complet. On sent le. Et le dessin préparatoire. Ah, génial. Bon, ben alors là, c'est vraiment pas radiophonique, désolé. Désolé. Mais on a le dessin préparatoire. Donc c'est un arbre. C'est un arbre. Clément, ouais. Qui a effectivement conçu mon père, qui décrit l'ensemble des techniques connues à l'époque, en les classant de manière arborescente. Et effectivement, ça montre son intérêt pour la technique. Pour définir les choses, non ? Et surtout une capacité intellectuelle là, et puis didactique, c'est pédagogique, oui. À expliquer quand même pour le commun de mortels déjà ce que c'est que le cinéma d'animation et comment il s'organise d'un point de vue technique. Donc, moi, je trouve ça absolument remarquable qu'à l'époque, on puisse avoir comme ça un recul. Sur ce monde qu'est l'animation. Quoi. Et surtout qu'on a l'impression que c'est des choses qui sont plus faites aujourd'hui. Enfin, des fois, quand je regarde certaines choses qu'ont fait André Martin quand il était fait à l'époque, je me dis pourquoi nous. Alors, on pourrait le faire différemment, bien évidemment, aujourd'hui, mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a une personne, André Martin, qui l'a fait et que nous, personne, tout le monde, hein, on n'arrive pas non plus à refaire ce genre de choses qui est. Parce que personne ne prend le temps et qu'aujourd'hui, malheureusement, en plus, toujours pour revenir à cette idée de communauté, j'ai l'air de radoter, mais non, mais c'est qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, ça part dans tous les sens. Non pas au niveau technique, parce que ça, c'est quelque chose, mais si on veut éventuellement faire une arborescence aussi, par exemple, de quelqu'un, par exemple, du parcours d'André Martin, ce serait quelque chose d'énorme, quoi, par rapport à toutes les personnes qu'il a rencontrées, tout ce qu'il a, enfin, voilà, toutes les thématiques. Et puis finalement. Le globaliser quelque part à une industrie telle que celle du cinéma d'animation est d'autant plus mondiale. Alors là, sauf que si on avait commencé, je pense toujours, si on avait commencé plus tôt, s'il y avait des gens qui étaient arrivés après André Martin pour le faire, c'est qu'on n'a pas d'arbre généalogique finalement comme j'ai de l'animation. On est encore sur contre ou pour Disney presque, en tout cas ce hollywoodien, cinéma hollywoodien, mais que finalement toutes ces ramifications qu'on a et qui sont assez fascinantes. On n'en a pas, et pourtant, en peinture, en architecture, partout, il y en a plein qui l'ont fait. La matière donc est là, Clément. La matière oui. est là, il ouais. y a des gens qui écrivent dessus, des choses très précises. De plus en plus. La matière ouais. est là, il faut faire l'arbre. Mais personne ne fait la synthèse. Mais personne ne fait la synthèse pour ça. Nicolas, tu voulais dire. Non, j'allais dire, oui, c'est vrai qu'il y avait quand même aussi un côté, c'est vrai, qui était très, on va dire, de vulgarisation scientifique, mais didactique, pédagogique, qui était assez intéressant dans ces articles. Je pense qu'il a eu aussi la chance, notamment grâce à Bazin, qui l'a fait rentrer dans une revue comme Les Cahiers du Cinéma, qui à l'époque était quand même une des rares, enfin il y en avait, c'est pas une des rares, il y en avait pas mal de revues de cinéma, mais je veux dire les gens lisaient beaucoup déjà les revues de cinéma, et en plus il était dans une revue assez importante, et il avait conscience, je pense, peut-être encore plus que les gens aujourd'hui ne peuvent avoir conscience, que c'était un cinéma que personne ou presque personne ouais. ne connaissait, et donc il fallait absolument vulgariser. Alors il fallait inventer un terme, inventer des termes, inventer un lexique, inventer une manière d'en parler. Il fallait aussi essayer d'intéresser le lecteur, et donc c'est vrai qu'il avait cette capacité, et ça c'est pas donné à tout le monde non plus, d'être un écrivain et vraiment de ouais. pouvoir intéresser le lecteur rien qu'avec son style et la manière dont il s'exprime. Et puis je pense aussi qu'il avait une visibilité importante et qu'il avait vraiment cette conscience de devoir on va dire presque éduquer le spectateur à essayer de voir ce type de film, à essayer de voir ce type de choses. Et on peut le voir dans certains textes, pas forcément non plus d'ailleurs ceux qui sont cahiers du cinéma, même s'ils sont très très, je trouve, assez didactiques et bien pédagogiques. Et par exemple, pour les premières JK, il avait fait une plaquette qui s'appelle « Pour lire entre les images », qui résume, mais avec un énorme humour, toute l'histoire du cinéma d'animation sur peut-être 30-40 pages, énormément de petits dessins. Et puis, il s'amuse aussi avec la graphie. Et ça, c'est c'était déjà assez rare à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait des mots en majuscule, des mots en gras, des mots en italique, des choses qui explosent un petit peu partout, un petit peu comme si elle faisait Blinkety Blank, mais en l'écrivant comme ça aussi. C'est quelqu'un qui aimait l'écrit, parce que c'est vrai que c'est un bonheur de lire André Martin. C'est pas juste fort dans ce qu'il raconte, mais c'est juste ça. On a un bonheur à le lire. C'est quelqu'un qui lisait tout le temps, donc c'est relativement nécessaire de lire pour écrire. C'est-à-dire que les photos à la plage, il est en maillot de bain mais avec un livre. Et puis c'est quelqu'un qui travaillait tout le temps. Donc il avait toujours eu un bureau complètement noyé sur des montagnes de papier. Il classait des articles, etc. Il avait une approche encyclopédique. Je pense qu'il se régalerait aujourd'hui des possibilités de l'Internet. Quand il s'ouvre, il y a une puissance d'accès à la connaissance qui est absolument explosif. C'est-à-dire, par rapport à moi, je vois le travail que je fais, j'essaie de recouper donc les choses, je range, je classe les archives. Donc pour classer les archives, il faut comprendre un peu la démarche, le contenu. On peut les articles des Cahiers du cinéma sont parfois durs à lire quand même, parce qu'il y a un effet catalogue, on est bombardé de références. Et c'est quand même une écriture assez érudite. C'est pas toujours simple, ce qui n'est pas le cas du cinéma chez soi, qui se voulait, qui est complètement différent, donc qui est beaucoup plus pédagogique. Et j'ai perdu mon fil. Dans l'organisation des archives. oui, je voulais dire. Jean-Baptiste a bien tenu. Il me surveille. et Internet permet de voir, de lire un article d'André Martin et de voir immédiatement trois films, pas forcément dans les bonnes conditions, du contenu de l'article. Donc ça permet beaucoup plus facilement d'apprendre ces articles, de les comprendre. Jean-Baptiste, juste très rapidement, parce que tu pourras en faire longtemps, mais c'est quand on est quelqu'un qui s'intéresse aux archives, à l'histoire, d'avoir des gens comme ça qui, de la succession, on va dire, qui s'occupent réellement du travail de leurs parents, c'est un véritable bonheur. Ouais. Moi, c'est un de mes drames, c'est d'avoir perdu. Je prends pas pour moi, c'est pas un échec personnel, mais de ne pas avoir dans certains cas justement accès aux familles de certains auteurs. Je parlais d'Hubert Arnault, par exemple. Pour moi, là, c'est mis à part ce qui a été publié donc dans la revue Images et Sons, son travail ce qu'il a pu publier par ailleurs. Je veux dire, mais voilà, tout a dû très certainement disparaître, corps et bien. J'étais très content de rencontrer Clément, parce que effectivement, c'était voilà, comme je dis au début d'émission, c'est André Martin, c'est quelqu'un qui revient régulièrement et donc dans les recherches. Et donc là, en plus de ça, super nouvelle, Clément trouve le temps de tout reclasser et prend vraiment à bras le corps l'œuvre de son père, donc et de sa mère, Geneviève Martin. Mais bon, voilà, donc moi c'est mon quotidien en fait, ça. C'est-à-dire que c'est toujours très délicat, mais essayer de retrouver comme ça des successions d'auteurs, de pas trop m'immiscer non plus dans les familles, c'est un peu éviter de marcher sur des œufs ou de paraître de vouloir jouer au vautour, mais je suis toujours très prudent par rapport à ça. Non, mais c'est vrai, parce que bon, voilà quoi, comme je dis souvent en famille, moi ce que je veux savoir, c'est ce qui existe, et c'est et juste y accéder pour avoir une meilleure connaissance. C'est pas forcément avoir la propriété des archives, c'est pas du tout le but. C'est après, effectivement, ouais. Comme je dis souvent, moi je suis la dernière étape avant la poubelle. Donc gardez ce que vous voulez garder, mais si ça doit partir à la poubelle parce que vous pouvez pas le garder, parce que ça ne vous n'a aucun intérêt pour vous, eh bien dans ces cas-là, moi je peux, dans la mesure du possible, le récupérer effectivement, et pouvoir le donner accès ensuite au plus grand nombre, quoi. Allez, on fait une pause encore musicale avant de revenir, et je pense que tu verras ce que c'est, Nicolas, et tu pourras voir, c'est le prochain. Dites-moi où, dans quel pays est Flora, la belle romaine, Archipia d'Anétaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant Cambrion mène de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui Châtré fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour Ucette et Swann. Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme Lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Biétrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Prince n'enquéré de semaine, où elles sont nées de 7 ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Bon, alors écoutez, Brassens, c'est toujours un bonheur de toute façon, donc ça, j'ai, si je désannonce, c'était pour moi important de toute façon, voilà, de mettre de temps à autre du Brassens. Et pourquoi encore plus, c'est qu'on va parler dans cette troisième partie du cinéaste André Martin, parce qu'il a aussi, comme on l'a dit un tout petit peu au début, réalisé, et il a réalisé un film, en effet, où le titre ne pourrait plus être celui-là maintenant, aujourd'hui, hein, puisque, mauvais jeu de mots là que j'ai fait sur « Mais où sont les neiges d'antan ?», le film s'appelle « Mais où sont les nègres d'antan. Et alors, est-ce que c'est un film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, quand on a un titre comme ça, c'est un film qui dit alors, quoi? Parce qu'évidemment, ce titre peut provoquer, là, on peut... Oui, mais c'est, de toute façon, André Martin est un provocateur. Déjà, à l'époque, c'était une provocation, c'était un jeu de mots, donc, que vous avez bien souligné. Donc, déjà, ça le caractérise. Dans ce film, on va retrouver trois choses qui caractérisent André Martin. C'est un, c'est l'humour, ne serait-ce que le titre. Deux, c'est un film sur la musique, donc on retrouve le thème de la musique. Et enfin, bah, c'est un film d'animation, donc, fait par les films Martin Baucher en 62. Qui raconte l'histoire d'un Européen qui fait une visite l'Afrique et il enregistre un autochtone, pourrait-on dire, qui fait un chant traditionnel, et en fait il reproduit ce chant autochtone, il fait des spectacles, il se l'approprie complètement, il gagne énormément d'argent, et la personne qui a été enregistrée, parce que c'est un film qui finit bien, vient en Europe et par les billets légaux récupère ce qui lui est dû et ruine l'audio-voleur. C'est un film aussi qui est très très personnel, puisque bon, ma mère faisait les musiques de films, donc on est quand même sur les droits d'utilisation de la musique, etc. Il y a quand même une petite critique, ou il y a un côté politique dans le film, Jean-Baptiste? Pour moi, c'est un film totalement anticolonialiste. Ouais, hein. Donc, et puis 62, je veux dire, on est en pleine décolonisation, justement, alors pour le coup française, mais enfin, de toute façon, c'est décolonisation générale, quoi, mais chute des empires, c'est hyper, moi je trouve ça effectivement assez courageux, assez culotté d'avoir fait un film comme ça, quoi. C'est vraiment, oui, à l'époque en plus, hein, à l'époque, c'est un peu encore, c'est un peu un pavé dans la mare, ouais, quoi. Ouais. Et pour juste, bon, par exemple, vous voyez, refaire un passerelle là, avec ce qu'on a dit juste avant la musique, le fait, avec la famille de Michel Baucher, j'ai récupéré des archives, et dans ces archives là, ben, en fait, il y avait une partie, quelques dessins de l'animatique de Où sont les nègres d'antan, et c'est absolument passionnant de voir comment ça a été fait, quoi. Mais ça aide encore mieux à comprendre le film, etc., d'un point de vue technique. Un graphisme qui est absolument, ouais, magnifique. Ouais, ouais, ouais. Alors, au niveau de l'animation, mais dites-nous, alors, la filmographie. Parce que moi, j'ai eu que sur Wikipédia, et donc il y a déjà une erreur, puisque Où sont les nègres d'antan est 1960. Il n'y a pas grand-chose, ouais, sur Wikipédia. Hein, donc il y a des choses à changer, là, il faut s'en occuper un petit peu, parce que c'est quoi la filmographie? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va faire aussi bien du cours d'animation donc du documentaire, hein, dont notamment les deux fameux à l'ONF, en tout cas au Canada, la télévision et Images que me veux-tu. C'est quelqu'un, Aline Nicolas, t'as pas avant Clément nous dit ça. C'est... Non, moi, ce qui est aussi quelque chose d'assez intéressant justement, et c'est par rapport à ce qu'on voit par l'émission dont on écoute des extraits justement depuis tout à l'heure. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit quand même aussi un petit peu. On peut faire une passerelle avec Chris Marker, qui avait quand même fait aussi l'autre grand court-métrage anticolonialiste avant Les Statues Meurtres aussi. Finalement, pas exactement sur le même thème, mais on est toujours sur l'art et sur la question de l'Afrique. Et en plus, ne pas oublier que Sans Soleil a été fait avec les bons titres Martin Baucher. Donc alors, finalement, on reste toujours un petit peu dans la filiation. Bon, alors, avant de laisser parler Clément sur ça, on va écouter le dernier morceau, où on parle un peu plus justement de Chris Marker. On écoute André Martin. Et le cinéma d'animation, mais c'était toute la technologie des communications. Alors ça, on va en parler plus tard, mais vous avez parlé de condensation, de contrôle. Il semble bien que, vous avez parlé de René Lénard, il semble bien que ce soit la transition toute faite pour en arriver à Marker et à son étrange trajet parallèle. Alors je voudrais que vous nous parliez de votre rencontre avec Marker, de votre amitié, de vos conversations avec Marker éventuellement. Alors je ne suis pas si proche de Chris Marker, mais nous avons des relations très précises et très pointues et depuis très longtemps. Peut-être que aussi le cinéma que j'essaie de représenter n'est pas seulement le cinéma auquel j'essaie de penser, enfin qui est l'objet de mon attention, c'est finalement le cinéma formaliste. Ça rejoint Dovzhenko, Eisenstein et Walt Disney. Il y a quelque chose là, un cinéma possible. Eh bien, Chris Marker appartient à ce camp-là. Mon premier contact avec Chris Marker est un article qu'il a produit. Qu'il avait écrit une certaine forme d'ornement dans la seconde revue du cinéma et qui était consacré à Trenka, Jerzy Trenka, pour le prince Bayaya. Et c'est un texte très beau et qui montre une compréhension d'un cinéma prosodique, d'un cinéma plastique, d'un cinéma graphique, d'un cinéma sculptural qui maintenant va sans doute devenir un cinéma important. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de l'en parler immédiatement. Comme on dit, on s'est compris tout de suite. Après, j'ai eu l'occasion d'échanger des idées avec Chris Marker, que ce soit autour des projections des films tchèques à la Société Franco-Slovaquie, que ce soit à la suite de ses voyages en Amérique. Dès les années 50, il allait voir les progrès du cinéma d'animation, la UPA, etc., à New York ou à Los Angeles. Et puis finalement, je pense que nous ne sommes pas tellement souvent rencontré, mais on a toujours trouvé quelque chose de très... J'ai appris toujours, en tout cas, quelque chose de très important à cette occasion. Et je pense que lui a suivi mon parcours, et je suis très attentivement le sien, parce que je trouve qu'il représente presque un cinéma lui tout seul. C'est pas évident des fois hein, quand on a des... de parler après ça et après des phrases comme ça. On l'a compris, hein, cette porosité aussi, le fait que c'est quelqu'un qui s'intéressait à tous les cinémas, à tous les styles. Il va faire des documentaires. Il fait pas mal de documentaires. Alors, tu m'as cité donc Gloire à Félix Tournachon. Ah non, ça c'est pas un documentaire. Ça c'est un Gloire à Félix Tournachon. C'est un film qui fait en 64 ou 65. Oui, c'est ça. Il est marqué en document. Décidément, faut vraiment que cette page Wikipédia, faut la changer. Hein. 66, ouais. Ah oui, mais... Il a marqué documentaire. La photographie, voilà. C'est 65. Oui. Il fait souvent des films jumeaux. Voilà, c'est avec Michel Bauchet qu'ils ont fait. Précisons aussi que Félix Tournachon est le vrai nom de Nadar. Donc, voilà. Mais c'est aussi un film d'animation. Non, pas vraiment. Je crois pas qu'il y ait d'animation dedans. Enfin, moi, ce que je m'en souviens, c'est uniquement prise de vue réelle. Ah, celui-là aussi. Ouais, c'est de la prise de vue réelle. Moi, je pense qu'on peut le dire, ce sont des documentaires. Hein, ouais, quand même. J'ai dû le rêver, je l'ai vu il y a longtemps. Alors, longtemps. Oui, alors, j'ai deux questions pour vous. C'est qui le cinéaste voilà, André Martin. C'est-à-dire que, je sais pas, vous qui connaissez bien l'histoire du cinéma d'animation et du cinéma, vous le mettriez où, comment, par rapport à tout ça. Donc, c'est une grande question. Et déjà, cette question-là, c'est qui. Et après, quand même, Jean-Baptiste. Et puis voilà, c'est. Après tout, les gens, ils entendent, on peut les voir où, les films d'André Martin. Donc voilà. Donc, déjà, première chose, le placer. Et deux, où est-ce qu'on peut les voir. Mais déjà, la première. Le placer. Juste à peu près, hein, juste à votre avis, au niveau graphique, au niveau visuel, est-ce que... Je ne pense pas que son œuvre est majeure dans l'histoire du cinéma. On peut noter, si on très rapidement, on peut noter, Jean-Baptiste m'a beaucoup aidé. Déjà, il a fait les textes de Un atome qui vous veut du bien, qui est de... 59. Dans 59, et c'est d'Henri Gruel ou c'est, c'est un film d'Henri Gruel. D'Henri Gruel, hein. Donc là, il a fait des textes qui sont dits par Boris Vian, je crois, dans le film d'ailleurs. C'est André Martin lui-même qui le dit. Ah non, non. Je pense pas. Oh, je sais plus. Il y a une composante technique encore une fois dans sa trajectoire. Donc c'est un film sur le nucléaire qui fait la promotion du nucléaire à l'époque où c'est la bombe atomique, etc. C'est aussi tous les espoirs. Connu, c'est un film qui est d'animation et qui c'est Michel Bauchet non qui a fait l'animation et qui est très sage dans son discours. Ensuite, il y a une participation de Michel Bauchet et d'André Martin, un film d'Henri Gruel. Également la Joconde. C'est juste avant la Joconde. Qui est juste avant. Donc qui est le premier. Le premier film proprement dit qu'il réalise, c'est grâce à Roger Lénard, c'est Paris. Demain Paris. Donc, est un film d'urbanisme, un film d'animation qui décrit justement comment se développe la région parisienne. Donc, il y a déjà un côté prospectif, voire un côté média. Si on est maclounesque, puisque ça inclut les médias transportent aussi des matières hein, dans les théories de Marshall McLuhan. Et après, effectivement, c'est vraiment la naissance des films Martin Bauchet. Et là, il y a un certain nombre de réalisations. Donc, les plus connus, c'est Patamorphose, qui est un film sur les techniques de cinéma d'animation. Il y a l'émission de télévision de Jean Mancet. Le 7e Arbis. Ouais. Le 7e Arbis. Où là, on retrouve l'esprit forain dont on parlait tout à l'heure, l'humour et le côté pédagogique et didactique pour présenter les techniques. Encore des films sur la technique, deux films sur la photographie, donc que j'ai eu la chance de voir à Bois d'Arcy. un film sur l'histoire de la photographie, donc c'est l'histoire de la photographie, mais c'est déjà, donc on est en 65, c'est déjà une réflexion sur les médias, puisque la photographie, c'est créé sur 60 ou 80 années au 19e siècle, avec différents procédés, des problèmes de longueur de pose, etc. Donc tout un environnement technique absolument incroyable, des inventeurs. Et puis on a fini par prendre des photos en faisant poser les gens qu'une minute. Avant, il y avait des instruments de torture pour pas qu'ils bougent, pour absolument les immobiliser, parce que les poses duraient une heure. Donc, ce média, photographie, il rentre après dans le média presse. Il change complètement la vitesse de l'information, par exemple, puisqu'avant, il fallait faire une gravure pour montrer que la Comédie française, l'incendie de la Comédie française, il y avait une gravure de l'incendie de la Comédie française. Aujourd'hui, on a une photographie instantanée sur les réseaux sociaux. C'est ce parcours, j'essaie de le décrire, donc il y a quand même de la technique. Il y a d'autres films, des films publicitaires. Donc avec les films Martin Bauchet, ils ont réalisé beaucoup de films publicitaires. J'ai peu d'informations là-dessus. Il va falloir contacter Lina là-dessus. Avec quelque chose qui s'appelle Radio Clinique, c'est ça? Alors Radio Clinique, ça c'est vraiment le premier. D'accord. C'est la fin des années 40. Mais il y a beaucoup de films publicitaires faits par les films Martin Bauchet. Parce que c'était de façon, là encore, c'était la prestation de service et c'était quelque chose qui était tourné chez eux, élaboré par eux, parce que effectivement c'était des films de commande à strictement parler, quoi. C'était eux les auteurs mais les concepteurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était des films vraiment Ça permettait de vivre avec un intérêt économique, quoi. Films pour EDF, ils ont réalisé plusieurs films pour EDF. Qui se continuent aujourd'hui de toute façon pour une partie des studios aussi, beaucoup de studios. Oui, oui, bien sûr. Ça a relativement peu changé. Il y a des grands donneurs d'ordre, il y a les publicités, et puis il y a des crédits de recherche de l'ORTF ou de la RTF à l'époque, peut-être même du CNC d'ailleurs, à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est pas encore bien exploré. Il y a peu d'informations là-dessus, mais il y a beaucoup de choses. Moi, ça, la partie publicitaire, c'est quelque chose de très difficile à récupérer d'un point de vue documentaire. Enfin, je veux dire. Alors, oui, c'est un peu plus compliqué. Même s'il y avait des belles choses qui avaient été faites, ouais, sur. Après, en 67, tu as les deux films produits à l'ONF, les deux courts-métrages, l'image que me veux-tu et La télévision est là, où là, André Martin, dans la continuité de son article de 65 que citait Nicolas tout à l'heure, bascule dans la théorie des médias. Il y a encore de l'animation, il y a encore de l'image, il y a de l'histoire de l'art, c'est très, très dense. Voilà, des documentaires. J'ai devant moi une petite plaquette de l'AFCA, pour une animathèque de l'AFCA, mardi 17 mai 2011. Séance animée par un certain Jean-Baptiste Garnero, chargé, je vais pouvoir dire en plus qui il est réellement, chargé d'études documentaires aux Archives françaises du film. À chaque fois, j'oublie, je dis que c'est CNC. Mais maintenant, ça a changé depuis 2011, qui était en fait à la mort de Michel Bochet. Tu avais fait, il y avait une grande séance. C'est une séance hommage, ouais, à Michel Bochet au cinéma Le Denfer. Et donc on avait essayé par rapport aussi aux contraintes techniques de concocter une séance qui pouvait tenir la route, quoi. Ah, donc avec Un atome qui vous vaut du bien, on vient d'en parler, hein, avec Mousson Aigre d'Antan, Patamorphose, Radio Clinique, un extrait du 7e art bis. Donc c'est pour ça que j'avoue, je t'ai dit Jean Manceau parce que je l'avais devant moi, c'était plus facile. Pour connaître ton histoire, pour la comprendre, alors je vais te dire un truc, toi évidemment, toi t'es là pour la préserver, faut aussi la voir. Ouais. C'est quelque chose qui est compliqué de voir toujours ces séances d'enfer et de pouvoir les montrer. Et est-ce qu'on peut pas les voir? Est-ce que le CNC Archive pourrait pas avoir une chaîne Vimeo, YouTube pour qu'ils aient un peu d'argent? Le CNC peut pas se substituer non plus aux endroits, quoi, etc. Nous, on est là pour les accompagner. Donc, et puis il y a certains films aussi qui, pour des questions juridiques diverses, mais même pas pour des questions économiques, hein, je veux dire de droit pur. Sont difficilement diffusables comme ça, même sur Internet ou même en édition, en édition DVD ou VOD, parce qu'il n'y a plus forcément d'interlocuteur juridique et que nous, encore une fois de plus, on peut pas se substituer, on peut donner de l'élan, on peut accompagner, ce que l'on fait là depuis maintenant depuis de nombreuses années, et poursuivre aussi l'évolution technologique justement des médias, c'est qu'il y a eu le fameux plan de numérisation et de restauration des films anciens qui permet donc justement aux courts-métrages et aux longs-métrages de pouvoir être disponibles sur des plateformes de VAD et disponibles à la distribution. Donc effectivement, ça inclut également, bien évidemment, des courts-métrages et des courts-métrages d'animation. Donc voilà. Donc trop peu encore, mais quand même. Là, dernièrement, par exemple, il y a eu les films de Paul Grimaud qui vont être tous réédités normalement. Donc ça, c'est super. Mais il y en a des plus récents aussi, notamment Les Laloux. Voilà. Donc là-dedans, dans tous ces efforts conjoints, même si c'est pas l'idéal, il se peut qu'il y ait certains films qui puissent effectivement émerger comme ça. Alors, comme dit Nicolas, oui, pardon, Clément. Non, j'ai dit, il faut s'y atteler. Il y a effectivement du travail, mais c'est faisable puisqu'on connaît les maisons de production, elles existent encore, on connaît les ayants droit, donc c'est dans l'ordre des choses possibles. Je pense que c'est effectivement, ça peut être intéressant. Ce qui peut être aussi extrêmement intéressant, c'est de regarder quelques films autour de d'André Martin qui ont fait l'objet de ces critiques, parce qu'il y a, pour en avoir vu certains, des choses qui sont absolument magnifiques. Oui. Il y a matière à organiser quelques projections. Il y a des possibilités juste pour voir les films. Nicolas Brois disait au Forum aussi des images. normalement, je sais qu'à un moment donné, il y avait. Alors, faut espérer que leur salle continue. Mais bon, la vidéothèque toujours. Alors, elle est plus au même endroit. Maintenant, je crois qu'il y a quelques postes où on peut visionner le même catalogue. Enfin, j'espère. Je m'avance peut-être un peu là-dessus. Mais à la bibliothèque François Truffaut, donc juste à côté, ils doivent avoir deux ou trois ordinateurs. Allez, une dernière pause musicale avant de partir sur les héritiers. Est-ce qu'il y en a d'André Martin? Donc, ça sera très court, mais il y en a peut-être pas beaucoup. Donc, ça sera bien. On va écouter un morceau emblématique. C'est la cérémonie de pouvoir à un moment donné, au tout début d'un film important, 82, si je dis pas de bêtises. Une nouvelle série vient de sortir en ce moment sur un gros truc américain. Hein, voilà, Dark Crystal. Je parle de Jim Henson. Où on finit évidemment, enfin, on finit pas, mais on continue notre réflexion sur qu'est-ce que l'animation, qu'est-ce que le mouvement, puisque a priori, selon un certain dogme évidemment, en tout cas très français, très européen, Dark Crystal ne serait pas de l'animation, puisqu'en plus on a des personnages. Je voulais même vous passer du Godzilla à un moment donné, mais voilà, on a des personnages, on a des choses à filmer. Pourtant, on est bien dans l'animation, puisqu'on donne vie à quelque chose qui n'a pas de vie, mais on n'est pas en image par image. Encore une grande réflexion par rapport à qu'est-ce que l'animation. On écoute ce morceau de Joe Trevor, si je dis pas de bêtises, de Trevor Jones, n'importe quoi, et on revient juste après pour finir l'émission. À tout de suite. Parmi les bonnes étoiles qui ont déterminé mon début de carrière, il y a bien évidemment Norman McLaren et Nan Lai, mes maîtres premiers, qui le sont restés jusqu'à aujourd'hui. À côté de ces cinéastes, je dois aussi inscrire, excusez-moi, le nom d'André Martin, écrivain de cinéma, selon la belle expression que Hervé Joubert-Laurencin a inventée pour parler d'André Bazin, un compère de Martin dont on a parfois dit qu'il était le Bazin de l'animation. Initialement, il fut pour moi une source de motivation. Par contre, par la suite, il fut le responsable maléfique de cette posture incertaine à laquelle je me référais plus haut. Je peux pas vous dire tout le texte, malheureusement. Donc, à la suite de Norman McLaren et de Len Light, j'inscris le nom d'André Martin. Premièrement, parce que ses écrits sur le nouveau cinéma d'animation d'après-guerre étaient galvanisants et suffisaient amplement à décider du destin du jeune animateur en herbe que j'étais. Deuxièmement, parce qu'il a commenté avec profondeur l'œuvre de McLaren et de Len Light, ce qui ne pouvait que m'intéresser. Troisièmement, parce que je l'ai connu en 64 à l'Office national du film du Canada. Et aussi par la suite dans le cadre du comité organisé de la rétrospective mondiale du cinéma d'animation de 1967 à Montréal. C'est une rencontre qui fut décisive à plus d'un titre, beaucoup plus que je ne pouvais m'en rendre compte alors. C'était le moment même où il exprimait sa déception face à ce que devenait le nouveau cinéma d'animation dont il s'était fait le propagandiste depuis le début des années 50 et où il basculait vers l'étude de ce qu'il appelait les communications sociales, c'est-à-dire la télévision émergente et éventuellement les nouvelles images qu'il allait l'occuper pour le reste de sa vie. Pour ce faire, il replaçait sa vision du cinéma d'animation et de son évolution dans le cadre tout à coup beaucoup plus large des enjeux de civilisation qui se jouaient autour de l'évolution rapide des médias et qui allaient voir des conséquences décisives. Il est décédé avant que le numérique n'atteigne sa maturité. Il n'aura vu et commandé que la période formative. Je peux pas tout vous lire, mais c'est un texte de Pierre Hébert qui s'appelle « Note sur quelques idées choc d'André Martin ». Il y a deux textes comme ça de Pierre Hébert qui parlent du travail d'André Martin, qui dit « J'avais contacté quand Nicolas m'a dit « serait bien quand même de faire une émission sur André Martin ». Il a évidemment raison. Et j'avais contacté à l'époque Pierre Hébert pour savoir s'il voulait dire un petit mot. Il avait dit « Tu demandes à Nicolas, il connaît bien mes textes et puis on prendra ». Alors je l'ai fait à la place de Nicolas parce que lui s'est occupé. Et voilà, il a un autre article qui s'appelle « André Martin et André Bazin » qu'il avait publié pour Orch. Voilà, des textes très très passionnants aussi, de voir quelqu'un qui est en novembre dernier, je crois, le dernier, qui parlait aussi par rapport à son cinéma et son dernier film. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la revue Orchamps, justement. Il a fait plusieurs textes ces derniers temps, donc la revue Orchamps, qui est une revue québécoise qui est disponible en ligne, je crois, seulement, ouais. Et qui viennent de séminaires qu'il avait fait justement autour de séminaires, donc vraiment des séminaires aussi de pensée. Et il a publié plusieurs textes qui sont vraiment importants. Mais c'est pas les premières fois qu'il parle d'André Martin. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un théoricien. Alors lui, c'est un praticien qui aussi est théoricien parce qu'il a beaucoup écrit. Qui a aujourd'hui, alors j'aurais pu parler de Gianberto Bendazzi qui cite dans son. Notre Bible à nous, hein, même si elle est dépassée, mais c'est intéressant. Cartoons, il cite plusieurs fois, évidemment, notamment un très beau texte sur Bertolt Bartoche. Je vais y arriver après 2 heures. Est-ce qu'il y a des gens est-ce que la pensée d'André Martin, pour vous, continue? Est-ce qu'il y a des gens qui la reprennent? Nicolas Tiss est un grand défenseur. Moi, j'aurais tendance à penser que l'héritier principal d'André Martin aujourd'hui, du point de vue où justement il y a de la pratique et de la théorie, ce serait justement quelqu'un comme Pierre Hébert. D'autant plus qu'il va repenser aussi tous les différents types de médias, que ce soit des nouveaux images synthèse, etc., pas forcément de synthèse, mais voilà, et ancien, c'est-à-dire avec la pratique instrumentale, avec le retour à la pellicule, et en même temps avec l'idée de créer des boucles et de créer jusqu'au logiciel informatique pour pouvoir faire des performances ou autre. Moi, j'aurais toujours tendance à penser que Pierre Hébert est l'héritier, on va dire. Jean-Baptiste, je laisserai le dernier mot à Clément. Moi, je suis assez d'accord avec Nicolas. Celui qui peut, toujours en France, mais celui qui peut se rapprocher aussi d'André Martin quelque part par son assiduité à ce travail et à sa réflexion année après année par rapport donc aux problématiques du cinéma d'animation, pour moi, c'est Pascal Vimney. Parce que voilà, ça fait il est encore jeune, mais ça fait peut-être quand même 40 ans qu'il fait ça, et il a quand même écrit aussi des revues, il a produit, il a essayé aussi d'attaquer un peu le cinéma d'animation, le cinéma aussi en général, mais surtout le cinéma d'animation un peu par tous les côtés, toutes les phases d'ascension possibles. Mmh. Et donc, et d'ailleurs, tout le travail de compilation qu'il est en train de faire sur ses écrits-là, l'Harmattan, avec donc tous ses écrits d'animation, voit un peu, justement, au-delà de comment expliquer ou de témoigner de tel ou tel film, quand même, d'avoir quand même cette réflexion globale, générale, historique. Avec un article, d'ailleurs, dans l'année positive de Nicolatis sur ce livre. Et d'ailleurs, non, c'est intéressant parce qu'en plus. Les quatre livres, bientôt cinq, il parle beaucoup d'André Martin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, Pascal Vinet, à ce côté, comme André Martin, des fois difficile, pas toujours évident d'accès, et des fois fascinant. Non, mais en plus, moi, que je trouve, c'est c'est fascinant de lire, mais c'est vrai que dans les livres, il y a des fois des articles qui, en effet, comme ceux d'André Martin, des fois peuvent être, et c'est ce qui est intéressant, on a besoin de ça. Est-ce que, maintenant, en une minute, est-ce qu'il y a plein d'universitaires maintenant, il y a plein de choses, est-ce que tu penses, toi, clairement, que la parole de ton père, d'André Martin, peut continuer, peut même être encore plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'a été il y a 20-30 ans? Pour travailler dessus, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a encore une fois, l'article de 65, il est vraiment étonnant d'actualité sur les comportements qu'on peut observer avec les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc je pense que cette pensée qui ne lui appartient pas qu'à lui, hein, qui est issue de toutes les interactions, elle est encore très vivante et effectivement elle va continuer à se développer. Je vous remercie infiniment tous les trois d'être venus. On aurait pu en dire plus. J'espère qu'on a fait un tour, en tout cas qu'on vous a donné l'envie, je pense, de plonger dans cette langue, encore une fois, qui est aussi passionnante que ce qu'elle dit. Pour finir, je vais mettre juste un tout petit bout et puis notre émission pourra mettre son générique. C'est tout simplement un morceau au début de Coraline d'Henry Selick, qui là aussi se pose la question de la création et comment on crée un personnage et jusqu'où va-t-il. Et on reviendra sur toutes ces questions passionnantes. Merci beaucoup à Nicolas qui en plus m'a sauvé, non seulement c'est un réalisateur, mais il sauve en plus l'émission avec une souris parfaite. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Sweetie.